Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. En 1980, les ateliers de création radiophonique proposaient, en deux étapes, un long voyage dans l'univers de la photographie. En 1980, l'argentique régnait en maître sur la photographie et on était loin encore du smartphone tenu à bout de bras pour un selfie, mais déjà le numérique pointait le bout de son nez. En 1975, un ingénieur américain de chez Kodak avait mis au point un premier prototype d'appareil électronique avant que dans les années 90, le numérique prenne peu à peu le pouvoir. Mais pour ceux que l'on entend dans ce deuxième volet de Radio Photo, du numérique il n'était pas question et pour la plupart d'entre eux, il n'en fut par la suite pas question davantage. Artistes reconnus, reporters chevronnés, amateurs éclairés et photographes du dimanche, ils nous apparaissent avoir en commun, outre la même passion pour la photographie, de s'être posé deux ou trois questions, avant ou après, avoir appuyé sur le déclencheur. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Par Jean-François Chevrier, Bertrand Ferriot, Brigitte Legard. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Nicole Pascot, Marie-France Thivault, Yvette Tuchban. Lecture par Valère Novarina, Daniel Mesguich, Juliette Berthaud, Hervé Guibert, Rosaline Krauss. Radio Photo 2. On me pose souvent cette question, comment êtes-vous venu à la photo ? Alors il y a la réponse exacte, mais qui était un petit peu laborieuse et ennuyeuse et longue, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai imaginé une autre réponse que je vous livre pour ce qu'elle vaut, qui n'est pas tout à fait la vérité, mais enfin voilà. Je prétends que je suis venu à la photo par l'oreille. Très très jeune, j'ai appris le violon, j'ai raclé le violon à partir de l'âge de 5 ans. J'ai eu d'abord un quart, puis un demi, puis un trois quarts, et puis finalement plus tard un entier. Mais quand j'étais à l'époque du demi, j'allais suder le son de violon au Kremlin-Bicêtre, dans un immeuble où deux étages étaient consacrés à la musique. Il y avait professeur de piano, il y avait même une harpiste qui nous impressionnait beaucoup parce que son instrument est d'ailleurs d'un meuble. Moi, j'étais avec un professeur qui était très, très élégant, un genre beau garçon, haut teint mat, avec une raie impeccable, une petite cicatrice à la joue, enfin. Il plaisait beaucoup aux dames. Il était charmant avec nous, d'ailleurs, cet homme. Et le pupitre était installé en dessous une grande glace. Ce qui fait que, tout en jouant la méthode Massas, on voyait la pièce derrière. Et alors, dès que je commençais ces exercices très difficiles de double croche et de double corde et qui prenaient toute mon attention, je voyais quand même s'entrouvrir tout doucement la porte de communication avec l'autre pièce où il y avait la demoiselle qui donnait des leçons de piano. Et la demoiselle entrait. Elle était grande, une très très jeune femme, avec des cheveux comme un soleil, absolument rousse. Et elle entrait vraiment sans bruit. Et mon professeur glissait vers l'arrière, ce qui fait que moi, dans mon espèce de rétroviseur improvisé, malgré toute mon attention à jouer cette page de la méthode Massas, derrière moi commençait un ballet qui ne pouvait pas m'échapper. Et j'étais l'orchestre de ce ballet. Ça a duré assez longtemps, presque une année. Enfin, je prenais une heure de cours chaque semaine. Et chaque semaine, cette heure de cours se passait avec ce ballet derrière moi qui était plein d'enseignements. J'ai fait aucun progrès. Louis est resté absolument en friche. Mais par contre, le sens d'observation est devenu très aigu. C'est peut-être ça à l'origine de ma joie d'observer les choses. Radio Photo 2 avec Robert Doisneau, Johanna Ratu, Duane Michaels, Pierre Defenouille, Jean Simonet, Raymond Depardon, Hervé Glohagen, Jean Adhémar, Manuel Alvarez Bravo, Édouard Bouba, Michel Melot, Aaron Siskind, Tom Draos, Lisette Model, Bruno Réquillard, Guy Lequerec, Farshad Farahi, André Martin, Madame Aklok, Esaias Baitel, Jean-Claude Larieux, Jean-Yves Brégand, Harry Gruyart, Willy Ronis, Marc Ribou, Jean-Claude Lemagny, Michel Friseau, Emmett Gawin, François Portelette. Texte par Jean Sagne, Hervé Guibert, André Bazin, Rosaline Krauss, Sylvain Roumette et Manifeste des photographes d'Amérique latine, Robert Franck, Lines of My Hand, Walter Benjamin, Sens unique, Poésie et révolution, Francis Ponge, Tentative orale, Franz Kafka, Lettre à Felice. Mademoiselle, je me présente de nouveau pour le cas fort possible où vous n'auriez pas même gardé le plus petit souvenir de moi. Je m'appelle Franz Kafka, je suis celui qui vous a salué pour la première fois à la soirée de M. le directeur Broad à Prague, qui ensuite vous a passé une à une, par-dessus la table, les photographies d'un voyage au pays de Tali et qui a finalement tenu dans cette main occupée en ce moment à frapper les touches la main que vous lui avez tendue pour confirmer votre promesse de l'accompagner en Palestine l'an prochain. Prague, le 20 septembre 1912. Johanna Maria, oui, enfin oui. 21 août 45. Là au Luna, à un mois, Valène, c'était à la campagne, une coche carouchole dans un panier sur des roues. Bon, l'image, c'est une petite horreur d'enfant avec un petit bonnet à cornet, à petite corne. Ça fait un petit diablotin. Enfin, c'est très laid. Je trouve que ces petits enfants, c'est atroce. C'est peut-être parce que c'est moi, tu vois. Je me rejette à cette période de larve. Peut-être je vieillis, c'est la trentaine. Et on a besoin, une fois qu'on a quitté, on a abandonné, enfin, on a quitté son pays, on vit dans un autre, de pouvoir s'identifier avec son passé, avoir des preuves. C'est ces seules choses qui sont fixes et qui deviennent, qui prennent une de plus en plus grande importance dans ma vie. C'est la seule chose, oui, avec laquelle je peux m'identifier. L'image photographique de l'Amérique latine, reproduite d'une façon mécanique pour la consommation mondiale, est un produit métropolitain, un produit des différents centres du monde industrialisé. Nous faisons allusion au bombardement de la publicité, aux revues de mode, au journalisme, même au star system de la photographie. Cette violence nous conditionne et elle tente de nous déformer afin de créer une pseudo-image de notre réalité. Nous vivons dans un monde de stéréotypes, oui, mais notre stéréotype est généralement fabriqué à l'étranger. La photographie faite en Amérique latine se propose de démystifier ce stéréotype fait à l'étranger, en révélant le contexte et les relations visuelles de notre monde, depuis les visages de nos peuples, passant par les contradictions institutionnalisées et l'échelle des choses, jusqu'à la violation de notre géographie. Il s'agit de nommer visuellement notre monde à partir de notre propre point de vue. Cette vision photographique est une nécessité, tout comme la nécessité sociale de coopérer, que le photographe travaille au sein d'un groupe qui cherche davantage son identité, bien plus que l'originalité formelle. Arles, juillet 79. Photographers generally claim that they photograph reality, but they usually photograph other people's reality and other people's lives. The only reality I know for certain is my what goes on in my imagination in my head. The question of personal identity is central to a lot of my thinking. I'm very, very interested in who is this speaking. We have to believe in our identity, but our identity is unknown. Duane Michaels. Same things. Same reactions. You could have stopped. You should have slapped my face. Slap me. Bring me to my senses. But that wouldn't have worked, baby. The grooves are too deep. Grooves are too deep already. And those spots. Yeah, yeah. The spots aren't changing. Je suis rentré chez moi et je regarde par la fenêtre. Dehors, il neige, il n'y a pas une vague. La plage est blanche. Les piquets de la palissade sont gris. Je me retourne sur un monde qui est fini pour toujours. Je pense à une époque qui ne reviendra jamais. Un livre de photographie me regarde. 25 années à chercher la bonne voie. Des cartes postales de partout. S'il y a quelques réponses, je les ai perdues. Robert Frank, Lines of My Hand, décembre 1971. Disons que dans le temps, on regardait encore, quant au prix, à beaucoup de choses, on regardait à faire une pellicule de 8 photos en 6-9. Maintenant, pour bien moins cher, on en fait 36 en petit format. Alors, vous voyez que c'est un bloc-notes, un appareil de photo maintenant. Je vous dirais que j'ai des négatifs que j'ai jamais eu la curiosité de transformer en positif. Mais je les ai, à tout moment, et je les transmettrai, puis quelqu'un peut-être après moi en tirera parti. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment, je crois, différent de moi, parce qu'il a... Raymond Depardon. Par rapport à son passé, par rapport à sa forme de travailler. Et il m'a été donné par hasard de voyager ensemble. Il s'appelle Joseph Koudelka, qui est un grand photographe, qui travaille d'une façon totalement différente de moi. C'était un voyage en Italie, et nous étions tombés en panne sur une autoroute, et nous avons comme ça eu l'occasion de parler. Et pour moi, c'était l'artiste avant de le connaître. Vraiment quelqu'un qui... vivait que de ses photos, qui communiquait ses photos qu'au bout de 4-5 ans après les avoir prises, au compte-gouttes, effectivement, comme vraiment le cliché de l'artiste, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui fait sortir des images une par une, et vraiment dans un sens bien voulu. Je me suis aperçu dans un certain sens que sur des petits détails, qu'il était finalement un peu comme moi, si on est seul à avoir des sacs de couchage, comme ça. Alors, lui, pour des raisons, parce qu'il vivait longtemps comme ça, en espèce de nomade, et moi aussi, finalement. À force d'aller dans les Tchads, au Sahara, et j'avais un sac de couchage en permanence avec moi. Et puis, il a, sur certains aspects, je crois qu'il m'a apporté certaines réflexions importantes et intéressantes pour moi, parce qu'il m'a dit, je crois que il faut que tu regardes beaucoup plus tes images. Et ça allait dans le sens d'un livre que j'avais lu sur les mémoires d'Eisenstein, qui dit « Trouver son inclination ». Alors, c'est vrai que, finalement, il faut chercher son inclination. C'est une inclination très compliquée, parce que, finalement, on fonctionne après sur la lumière, on fonctionne sur certaines choses, que, finalement, je ne m'étais jamais posé la question, parce que j'en aurais eu honte, même, en me disant « Qu'est-ce que c'est que tu commences à te prendre au sérieux ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et parce que, dans le milieu de photographe, c'est d'ordinaire, quelqu'un qui fait ça, il y a une espèce de rejet. Alors, résultat, moi, j'ai accumulé des milliers de photos. C'est-à-dire, j'étais obligé de montrer mes photos à d'autres gens qui me disaient « C'est ça, ta bonne photo. » Il y a beaucoup de photographes qui ne reconnaissent pas leurs bonnes images. Il y en a très très peu qui savent leurs bonnes images. Et ça, ça vient du fait qu'on fuit sans arrêt ces images, qu'il faut à chaque fois qu'on fait un reportage, les regarder, les bouffer, comme dit Koudelka, les digérer. Par n'importe quel biais, petite, projection, etc. Il faut regarder ces images constamment, régulièrement. Parce que si vous laissez passer un certain temps, si vous faites, et c'est le cas des photographes d'agence, de Gamma Sigma, c'est-à-dire qu'ils laissent passer 10 000 photos par an, et que comme ça, 4-5 ans, ils ont 50 000 à 100 000 photos, et qu'ils sont après incapables de regarder la photo, et ça se reporte sur leur propre comportement, c'est-à-dire qu'ils sont plus sûrs d'eux. Hervé Glohagen. Il y a ce qu'on appelle le style. Moi, je voudrais parler du style. C'est-à-dire que je pense que le style, il faut s'en méfier. Je veux dire, l'éthique, le tic du photographe, pas l'éthique, pas la morale, mais l'éthique d'un photographe, ça peut devenir son style. Et ça, c'est quand même ennuyeux. La Cour de cassation, en 1862, le 28 novembre, a décidé que la photographie est un art, avec toutes les conséquences qui en découlent. Manuel Alvarez Bravo. Para qué se trabaja si no es para comunicar en toda imagen, ya sea fotográfica, ya sea pintura, etcétera, contiene dos aspectos. Uno que es la forma y otro que es el contenido. Entonces, yo creo que lo que perdura para siempre es la forma y que el contenido puede si tener o no. Toute image, qu'il s'agisse de photographie ou de peinture, contient deux aspects, la forme et le contenu. Je crois que ce qui dure pour toujours, c'est la forme. Le contenu a une importance momentanée. Dans l'histoire de l'art, par exemple, dans l'histoire des religions, quand on produit une image religieuse à un moment où l'émotion religieuse est vécue par le public, le contenu de l'image a une valeur. À présent, beaucoup de contenus religieux se sont perdus, à tel point qu'on pourrait considérer le musée comme un conservateur des formes et un cimetière des contenus. Del Renacimiento, por ejemplo, ahora hay muchos aspectos religiosos, insistiendo en la cuestión religiosa, muchos aspectos que ya no tienen una relación directa con las personas que los miran. A tal grado de que un museo pudiera considerarse como la conservación de formas estéticas y cementerio de contenidos. Édouard Bouba. Moi, si j'étais né avant, je ne sais pas, il y a 2-3 siècles, peut-être je serais en train de casser de la pierre près des cathédrales. Moi, je poursuis tout cela. Si j'étais né même il y a 3000 ans, peut-être que je serais en train de peindre dans une grotte, et peut-être plus tard, dans 400 ans, je travaillerai. Pour moi, je profite de cet instrument qui est offert, qui est un instrument tellement beau, tellement merveilleux, donc on pourrait presque dire j'écris. Vous savez, j'écris, mais j'écris avec cette lumière, puisque c'est le mot de cette photographie qui va partout. Donc, je participe absolument. D'ailleurs, j'aime ce mot de participation. Pour moi, la photographie ne doit pas être séparée du reste. Certainement, les photographes se sont voulus artistes dès l'origine. Et Michel puis, Melot. Il y a aussi tous ceux qui n'ont pas réussi à l'être. Et on devrait étudier ça un peu comme un combat, comme vraiment une lutte entre tout ce que l'on veut faire dire à la photographie à ce moment-là. Soit objet capable simplement de reproduire, et objet de vulgarisation, soit objet de création. Enfin, il y a tout le discours qui essaye de tirer un objet qui en lui-même est totalement neutre, évidemment, qui en lui-même n'a aucune signification, mais tous les discours qu'on tient autour de cet objet-là, oui, ont des significations très contradictoires. En 1850, on a vraiment espéré que la photographie allait résoudre ce dilemme et qu'il n'y aurait plus de hiérarchie en art, qu'il n'y aurait plus d'un côté les objets industriels, d'un côté les objets artistiques, et que toute classe confondue, enfin, un bel unanimisme se ferait et que la photographie allait répandre l'art partout. Alors ça, évidemment, il faudrait analyser ça. Je crois que l'objet d'art n'est pas un objet qui unifie la société, mais un objet qui la divise. Well, when you make a picture, you don't think of that. Every artist always has an audience. Aaron's it may be king. In his, the audience in his head. It may be a past, see, or it may be a friend, see. But we always have to have an audience because that is what art is. Art is the human being. Every human being is like closed in, and we have to open to make some contact. Otherwise, we suffocate. You see, so we have to have it. Many of us make it up in our head, and many of us have it real. So there is always an audience. You never. When you are making the picture, you do not say to yourself, "Will he understand? Will he understand?" You make it, because you have to make it. Tout artiste a un public dans sa tête, le passé, un ami. Il faut avoir un public parce que l'art, c'est ça. Les êtres humains sont comme enfermés en eux-mêmes. Alors il faut ouvrir, créer le contact. Sans ça, on étouffe. Alors il y a toujours un public. Quand on fait une image, on ne se demande pas si on va être compris, on la fait. Parce qu'on doit la faire. I view everything as drama. And all of my photographs are Toutes mes photographies sont mon invention. Ce n'est pas du reportage. Everything that I take is out of my Tout ce que je fais vient de mon imagination. C'est du théâtre. And therefore, I would have to invent. Et donc, je dois inventer. If I wanted to talk about, si je veux parler de l'anxiété, de la solitude, il faut que j'invente ces choses. I would have to invent those things. Quand on voit, par exemple, les reporters qui se trouvent au Vietnam, qui se trouvent dans les points chauds. Tom Draus. Ils montent dans la guerre. Je crois que la plupart de ces photographes, de toute façon, les photos, on peut les tous mélanger. On les reconnaît que rarement à l'auteur. Si on le connaît, c'est parce qu'on a vu la photo 50 fois ou 100 fois, mais aucune photo n'est pas vraiment, sauf exception, par exemple, dans le temps qui a été Capa, ou peut-être Colia Barrows, mais sauf exception rarissime, la photo peut être faite à la limite même par un amateur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout de même de donner une marque d'image sur ma photo, et pour que ma photo soit tout de même quelque chose qui est propre à moi. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai fait les compositions, j'ai fait la recherche dans ce domaine-là. Et de toute façon, j'espère que mes photos sur cette guerre-là peuvent concurrencer par ce qu'ils expriment n'importe quelle photo justement qui est prise au vif par un journaliste quelconque. Dans ce cas-là, ce sont des petits soldats en plastique qui feront 5 cm de hauteur en moyenne. Et puis, en ce moment-là, évidemment, il faut les préparer pour l'opération. C'est-à-dire qu'effectivement, je les prépare à ma façon, d'une façon pour qu'ils soient beaucoup plus expressifs qu'ils ne le sont pas au départ. Donc, effectivement, souvent, on voit les jambes coupées, la tête coupée. Si par exemple j'ai besoin, je remplace une tête par une autre tête et ainsi de suite. Oui. J'ai fait d'autres séries justement qui concernent uniquement la guerre, les horaires de la guerre. C'est une série qui est en couleur, qui s'appelle La guerre dans les tartes. Et dans cette série-là, on voit des soldats, c'est en couleur. On voit des soldats qui se bagarrent justement dans les pâtisseries, dans les gâteaux les plus somptueux qu'on peut trouver dans les pâtisseries parisiennes. Et étant donné que c'est en couleur, donc les soldats sont effectivement, souvent j'utilise aussi la peinture pour les colorier, le sang, tout ça. Donc. Mais cette série-là, elle était effectivement conçue pour exprimer justement les horaires de la guerre. C'était quelque chose de très très concret. Beaucoup plus concret que cette série-là, en noir et blanc, qui pour moi, de toute façon, dépasse uniquement la guerre. Cette série-là, avec des soldats, avec des personnages, qui souvent, justement, ne sont plus des soldats, mais qui deviennent, justement, des robots, qui deviennent des gens, des personnages civils. Il y a ici un climat de la guerre, il y a un climat de l'armée, mais ce climat n'est pas seulement ça. Il doit englober un univers beaucoup plus complexe qu'uniquement la guerre. C'est-à-dire qu'à la limite, il doit peut-être avec un recul de 50 ans, ou prolongement de 50 ans, d'exprimer peut-être des idées qu'il y avait déjà Kafka dans son œuvre. C'est-à-dire que c'est un monde sur-kafkaïen. Enfin, c'est un monde, si Kafka a imaginé son monde il y a 50 ans, moi j'ai essayé d'imaginer le monde de 79, enfin, des années 80, à ma façon. Oui, alors tu fabriques des objets, mais ces objets n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes. Ils ne valent que pour la photo et pour l'idée que tu traduis dans la photo. Ce qui m'intéresse, c'est créer le monde, de le recréer à ma façon. Je veux dire, comme un peintre pouvait créer un monde, que je crois que jusqu'à présent dans la photographie, c'est fait très rarement. Et c'est pour ça que j'utilise effectivement des procédés. Ces procédés, effectivement, commencent par la fabrication des objets, et puis préparation des décors, et puis par l'éclairage. Mais enfin, tout ça, ce sont des choses secondaires. Ce qui est important, c'est que ce qui vient à la fin, c'est cet espace, cet univers. C'est ça, c'est là. Donc, je ne crée pas les objets, mais les univers, le monde, c'est ça. Voilà une image qui représente Robert Doisneau. Deux personnages, un monsieur et une dame, qui marchent sur une allée de gravier dans leur jardin. Au-dessus, il y a des maisons dans le roc, les troglodytes de La Roche-Corbon. Alors, j'avais donc vu cette maison, et elle est peinte en bleu. Vous voyez, c'est là la couleur m'aurait aidé beaucoup. Hein, parce que bleu, ciel, comme ça, sur ce rocher, c'était quand même très très joli. Et ça s'appelait le Petit Monaco. Hein, c'est pas mal. Alors, j'ai sonné, bien sûr, et puis il n'y avait personne. Le voisin m'a dit, oh, écoutez, ils sont partis, ils sont pas très loin, ils sont partis à Tours, parce que le garage est encore ouvert, ils vont venir. Alors j'ai attendu, c'était la fin de la journée. Effectivement, au bout d'une heure, une voiture est arrivée qui était bleue comme le jardin, donc il n'y avait pas de doute, c'était à eux. Hein, voilà. Et alors le monsieur est venu, je lui ai expliqué, avec une façon un peu volubile et rapide, parce que je voulais faire vite. Alors il m'a dit, oui, bon, très bien, oui, vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez, mais avant, il faut que je descende le fauteuil. Alors dans sa voiture, il avait un énorme fauteuil, et c'était un genre break qu'il avait, hein, alors, par l'arrière. Il m'a dit, ben, pour ce que vous êtes là, donnez-moi donc un coup de main. Alors on a sorti cet immense fauteuil, genre 1925, et très très lourd. Et alors on l'a traversé jusqu'à la maison, et là il ne rentrait pas dans la maison. Et alors sa femme a dit, non, il serait mieux au premier étage. Alors on est reparti dans un petit escalier qu'on voit là, la pente, hein, décoré avec des briques empilées. Et on en suant terriblement, et lui souffrait beaucoup plus que moi. Il avait l'air très costaud, mais il souffrait davantage. On est arrivé au premier étage, et enfin, le fauteuil est rentré. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait très très joli là, et la dame est venue et dit, non, pour la télé, ça serait mieux en bas. Alors on est reparti en bas, parce que il paraît-il qu'en le mettant de côté, il aurait pu passer dans la porte, elle est mesurée qu'un mètre de couturière y passait. Alors on est redescendu en bas, et il est entré dans la pièce, le fauteuil, enfin, et devant la télé, c'était exactement sa place. Alors j'ai trouvé que c'était parfait, j'ai dit bon, maintenant on va faire les photos, mais le monsieur m'a dit, mais c'est que j'ai acheté la paire. Alors, on va repartir à Tours. Alors il est reparti à Tours, après, pendant ce temps-là, on a fait la conversation avec la dame, qui était très très gentille, qui m'a fait un verre de vin. Et la lumière tombait de plus en plus. Monsieur est arrivé de Tours, deuxième fauteuil, mais alors là, je savais la manœuvre. Alors on a moins hésité, et puis là, on l'a mis devant la télé. Évidemment, ça tenait beaucoup de place dans la pièce, qui n'était pas énorme, mais c'était vraiment très très bien pour voir la télé, là. Et alors, j'ai dit, bon, on l'a fait vite cette photo, déjà, il est plus beaucoup de lumière. Monsieur dit, oh non, on va s'habiller. Alors ils sont partis s'habiller. Alors il était en bleu de travail et il est revenu habillé, comme vous le voyez sur la photo, c'est cravate, costume noir, chapeau à bord roulé. Et la dame s'est mise un collier, tout ça. Et puis on est allé dans le jardin et enfin j'ai fait cette photo, mais vraiment crépuscule avec très très peu de lumière du jour. En couleur, j'aurais pas pu faire cette photo parce que vraiment c'était tout à fait tangent. Enfin, c'est vraiment la nuit est venue très vite. Alors ils m'ont dit qu'est-ce que vous faites maintenant. Je dis je retourne à Paris. Mais je n'avais pas retourné à Paris sans manger un morceau, ce qui fait qu'on s'était on a dîné ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est pas simple. C'est l'instantané au 25e de seconde, mais tout autour. Un art mineur. Qu'est-ce que c'est un art mineur? La photographie. Un art mineur? Mineur. Qu'est-ce qui est mineur? La photographie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Modèle. Socialement, c'est considéré comme un art mineur. Socialement? Socialement. Jusqu'à ces dernières années. C'est-à-dire ce n'est pas un art que l'on puisse prendre au sérieux. Socialement, c'est considéré... Qu'est-ce que ça signifie socialement? Dans l'établissement des valeurs... C'est-à-dire c'est un art... Que véhiculent les musées, la presse, l'enseignement, la philosophie, tout ce que vous voulez. C'est un art mineur. Mineur, c'est une chose dérogative, non? Oui. C'est-à-dire ce n'est pas un véritable art sérieux. C'est-à-dire les gens, socialement, considèrent ça un art... Enfin, les gens, la culture. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de culture. Je ne sais pas, la culture. Pas de la culture, c'est justement le contraire. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé? Moi, je ne considère pas du tout la photographie un art mineur. D'ailleurs, le mot art, c'est déjà une chose misérable. Il ne faut même pas le prononcer, c'est beaucoup plus facile. Si vous ne dites pas l'art, alors on comprend tout. Si on introduit l'art, on ne comprend plus rien. Je vous disais que pour moi, les photos, c'est toujours, il s'embringue une histoire toujours à côté. J'aurais envoyé la photo, ils m'ont répondu, donc je sais qu'ils ont été en voyage en Pologne et qu'ils sont très très contents de leur voyage. Vous voyez ce que ça dure quand même les relations. Et si je repasse à la Jour Rouge Corbon, je sais où m'arrêter, peut-être que je regarderai dans le fauteuil. Quel autre métier vous donnerait le prétexte? Flic? Ah oui, mais alors là, on casse tout. Inspecteur, oui, ça. Entrée, police, etc. Bon. Parce que là, ça se passe très, très... d'une façon très complice. Hein. C'est très bien. Puis, vraiment, les gens étaient contents. La photo, elle semblait bonne. Enfin, c'est bien, ça. Ainsi que je te l'ai écrit hier, je pars ce soir, seul, la nuit, pour la montagne. Et toi, sans le savoir formellement, tu m'envoies cette chère petite compagne. Que voilà une charmante petite fille, ses épaules étroites. Elle est si fragile et si facile à saisir. Modeste, mais calme. Oui, on voit la petite chaîne de montre, la broche est jolie, les cheveux bien ondulés et la coiffure presque trop sérieuse. Et malgré tout cela, on te reconnaît si facilement, c'est avec une expression assez semblable à celle de cette photo que tu étais assise en face de moi à la table ce soir-là, à un moment qui, plus que tous les autres, m'a laissé un souvenir précis. Tu tenais l'une des photographies de Tali. D'abord tu m'as regardé alors que je faisais je ne sais plus quelle remarque stupide, puis tu as laissé errer ton regard en quart de cercle autour de la table et tu ne l'as arrêté que sur Otto Brod, qui, lui, t'a donné la véritable explication de la photographie. Ce mouvement lent de la tête et les changements qu'il entraînait naturellement dans l'aspect de ton visage me sont restés impérissablement. Et voilà que la petite fille, pour qui je ne suis naturellement qu'un étranger, vient me confirmer la vérité de ce cher souvenir. 25 novembre 1912. depuis 6 mois, je commence à me rendre compte de certaines choses, avoir une distance, tu vois, par rapport à ce qui a été fait. Et puis, je ne sais pas, aussi, si tu veux, mon regard par rapport à la photographie en général, c'est-à-dire ce que je vois dans les galeries, dans les musées, les publications, tu vois, tout ça, j'ai l'impression que la photo est en train de s'enfermer dans un tas de règles et que finalement l'essence même de la photo a été complètement perdue. C'est-à-dire que finalement, pour moi, la photo, bon, d'une part, c'est le souvenir, puis c'est arrêté, tu vois, un moment. J'ai comme une photo d'amateur. Et finalement, la photo d'amateur, ça me paraît être la... Je veux dire, le seul intérêt de la photographie, c'est, j'ai l'impression que c'est ce type de photo. Et donc, si tu veux, qui est vraiment très très loin de tout ce que j'ai fait jusque maintenant. Bruno Réquillard. Je ne sais pas. Si tu veux, ce que j'ai fait jusque maintenant aussi est... J'ai l'impression de n'avoir résolu que des problèmes formels, que des problèmes... Si tu veux, j'ai l'impression d'être à la grammaire. Tu vois. Alors maintenant, j'ai l'impression de bien posséder la grammaire de l'image, tu vois. Et maintenant, j'aimerais mettre plus de moi-même. Si tu veux, je me suis toujours aussi attaché à ce que ce ne soit que visuel. Et si tu veux, quand tu vois quelque chose, tu as d'abord ton œil qui a une sensation, et après, ton intelligence te donne un tas d'autres informations. Et jusque maintenant, j'ai voulu vraiment n'utiliser que l'œil. Bon, même s'il y a plein de choses très inconscientes qui apparaissent, donc dans le choix des sujets, etc., tu vois. Mais jusque maintenant, ça a toujours été inconscient. Et donc, tout cet aspect-là, je voudrais le développer. Finalement, les photos les moins prétentieuses, tu vois, les photos d'amateurs, les photos souvenirs, tout ça, me montrent une richesse qui n'existe pas dans beaucoup de photos que tu vois dans les galeries, tu vois. Donc, je voudrais essayer de retrouver une espèce de naïveté, de naïveté, aussi de spontanéité, etc. Je sais pas, je suis toujours un peu gêné dans certains cas par la photographie amateur, parce que le souvenir, justement, il faut le pratiquer sans insistance, c'est-à-dire il faut pas à tout prix mettre la belle-mère devant l'acropole. Ouais. Je crois que là il y a un problème dans ce qu'est le souvenir. Il faudrait l'examiner, en fait. Le souvenir, ça serait quand même, enfin, pour moi, une rencontre réelle, non, sur laquelle on n'intervient pas, qu'on ne modifie pas, qu'on enregistre comme étant une observation qu'on a pu mettre en boîte techniquement grâce à l'appareil photographique. Mais je veux dire, je voudrais pas, comme je suis contre l'appareil photographique, enfin le photographe fabricant de preuves, ce qu'on nous demande d'être d'ailleurs en général dans la presse, je serais contre le même processus en tant que fabricant de souvenirs. Je veux dire, pas non plus, parce que le mot souvenir, maintenant, vous savez, comme on voit en bas de la Tour Eiffel ou choses comme ça, il faut faire très attention. Voilà. Et en fait, même si il n'y a pas d'intéressement, je pense qu'un photographe amateur, j'en vois qui reviennent de voyage, et je suis un peu navré de tout ça, je pense que c'est du mercantilisme, parce que c'est une manière de montrer à son voisin de palier là où on est allé. Donc c'est une sorte de preuve, et presque de preuve marchande, parce qu'il y a aussi des questions de standards de vie, etc., qui s'y mêlent. We find a lot of amateurs photographers which they could have a lot of, you know, the conservateur au musée des Beaux-Arts de Téhéran, taking a picture, and they could have a lot of experience through the reportage or documentary photography. I mean, before the revolution, mostly they were involved avant in la very révolution, statistical nos photographes amateurs étaient surtout préoccupés par des considérations esthétiques, and just beauties, and without any no consideration, actually, and no mind in it, you know, behind it, you know, no identity, just repeating some. Ils reproduisaient style les styles américains American et européens. Sort of thing like that. But through the period of revolution, we could get a lot of. Mais you pendant know, la période de la révolution, new ils subjects, ont pu photographier les événements même you know, qu'ils vivaient. And this was a very, very good opportunity for Persian which they could be involved in a revolution. At the same time, they could experience what they are seeing through the screen of the camera and just to recognize the boundary of the Il est très difficile de repérer la frontière entre photographe professionnel et photographe amateur. The professional is the guy which le professionnel is travaille for an organization. Pour une organisation. L'amateur travaille pour lui-même. Plus je vais, plus le temps passe, plus j'essaie de faire des choses comme un amateur, dans un certain sens, c'est-à-dire pour mon plaisir, au vrai sens du mot, et non comme un professionnel, alors que j'ai été catapulté, dirigé, mis sur des rails comme un professionnel dès le début au début de ma carrière. Et donc maintenant, j'essaie de revenir un peu vers ces images. Il est certain que dès l'âge de 16 ans, j'ai été envoyé dans des endroits où, théoriquement, comme un petit paysan de Villefranche-sur-Saône, j'aurais jamais été, c'est-à-dire dans le Sahara, parce que j'avais 18 ans. Il s'est trouvé que maintenant, j'ai envie d'aller au Sahara et que je passe pas un hiver sans aller dans le désert. Je suis là déjà un peu malheureux. J'en rêve, j'y pense, et ça me revient continuellement. Alors il y a des choses comme ça, des lumières, il y a des situations qui font que j'ai toujours envie de retrouver. Ça se passe pendant le week-end, souvent, d'abord dans une région que je connais très très bien pour y aller depuis des années. Je me promène continuellement depuis 10 ans dans les mêmes endroits, des endroits que je connais donc particulièrement bien, et il y a un moment, souvent, où je trouve que l'endroit est à son mieux, et à ce moment-là, j'en profite pour faire une photographie. Les choses changent très très vite. Souvent, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai raté cette photographie, je n'ai pas fait assez vite. Bon, ben, je reviendrai au week-end prochain, ou même je reviendrai l'année prochaine au même endroit pour essayer de le voir de la même façon. Le même endroit de la même façon ne se retrouve absolument jamais, jamais, jamais. J'étais gamin à l'époque, je faisais des portraits de famille, mais je faisais quand même des paysages, hein, parce que bon, ça me plaisait de conserver les traces de paysages que j'avais vus. Qu'est-ce que c'était pour vous le plaisir de faire de la photo? Ah ben, c'est surtout de rassembler des images. C'est surtout des souvenirs, rassembler des choses, disons, fugitives, l'espace d'une promenade, et puis de pouvoir les revoir après. André Martin. C'est une allée dans des taillis de la forêt de Compiègne. Alors, c'est plutôt sombre, c'est sombre, bien que ça ait été fait par une journée très ensoleillée, mais sous des couverts manifestement de grands hêtres. On voit un trou dans le fond, dans le milieu de la photographie. C'est le bout du chemin qui semble aboutir dans un endroit très dégagé, très, très aéré, très, très lumineux, très ensoleillé. Et sur les arbres qui doivent être de jeunes charmes qui sont de chaque côté du chemin. Le soleil tombe sur des endroits très, très, très précis, sur des feuilles qui brillent, voyez-vous. Mais les feuilles semblent bouger, la lumière semble vibrer sur les feuilles. La mise au point a été faite très loin, vous voyez, de façon à ce qu'on ait le sentiment de trou. Et la lumière vibre. La photo a été faite à une vitesse un peu lente, de façon à ce que le vent fasse bouger et la lumière qui est sur les feuilles, qui tombe sur les feuilles. J'étais en Afghanistan, c'était la montagne, c'était des paysans. Ils nous offraient, comme on va dans des fermes, comme dans mon enfance, on allait chez des cousins, et ils offrent le thé, ils nous offrent des crêpes. Et puis il y a une lumière qui passe, une lumière d'hiver, comme ça. C'est la même, quoi. C'est surtout sur des histoires de lumière, comme ça, qu'on, d'un seul coup, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai quitté la ferme? Et la photo, c'est une photo de la ferme? Non, c'est une photo en Afghanistan. Mais c'est comme ça, c'est en voyant la belle lumière, c'est certainement... J'ai certainement... c'est un rappel de lumière, ça. Famille, c'est la famille que j'ai connue directement, les grands-pères et les parents. Il existait, j'en ai montré un, des petits albums de famille. Mais ce qu'il existe surtout, et que j'ai conservé, que, dans un coin de mon grenier, c'est des boîtes de photos. Alors les photos n'étaient pas collées sur un album, donc on ne pouvait pas les regarder dans un ordre déterminé. Mais alors, les gens avaient des boîtes de photos, et c'est fréquemment, on sortait la boîte sur la table pour la regarder. Alors, c'était des grandes boîtes en carton. J'ai plusieurs boîtes qui sont pleines de photos. Alors, l'inconvénient, c'est que les gens ne marquaient pas le nom ni la date de la personne et de la photo, et alors on s'y perd. Et justement, je me ferais un devoir impérieux de tout mettre en ordre. Moi, j'aurais plutôt, vis-à-vis de la photographie, voyez-vous, la démarche des collectionneurs de calligraphie japonaise qui les roulent et qui les mettent dans des tiroirs et qui vont les voir de temps en temps. Quand vous mettez une calligraphie japonaise continuellement sur un mur, au bout d'un moment, vous ne la voyez plus, elle ne vous intéresse plus. Au contraire, si vous allez la voir de temps en temps, ça, c'est formidable. Bah, pour moi, la photographie, c'est la même chose. Cet album, j'éprouve un sentiment qui est totalement différent du premier, étant donné que je connais pas mal de ces gens qui sont dans ces photos, même à ma naissance. Et ça me donne un certain sentiment enfin, c'est une certaine émotion. Et je ne les ouvre pas très souvent. C'est comme une musique très forte, comme La mort d'Isolde, que je n'ai pas envie d'écouter tout le temps, parce que ça perdrait quelque chose. C'est un moment trop intime et trop émouvant. Tu vois, la majorité de ces gens-là sont morts. Ou sont très vieux. Sont plus. Cette maison est... Là, toi, tu... Sur le pot. Bon, toujours classique. Dans le lit. Nu. Toujours. Toutes les photos non naturelles que les parents adorent. Ils montrent à tout le monde. Regarde qu'elle est belle. Elle ressemble à maman, à papa. Mais en fait, ce type de photos deviennent presque un rite. Et c'est. Je me rends compte de plus en plus que tous ces rites de la vie lui donnent le charme. Dans le deuxième tiroir. Non, dans le troisième. Ah ben aussi, j'en ai là, t'as raison. Ah, vous voyez, il n'y a rien rangé. Ben là, voilà la maison. Ma maison natale. Ah, vous l'avez voilà. Trouvée, papa et maman. Oui. Oui, alors, voyez, ça, c'était dans une cour, puisque oui. Le devant, vous l'avez vu. Hein. Et là, c'est une maison en briques. Ah oui, c'est la maison en natale. Et là, les gens qui sont devant la porte, qu'est-ce alors, que c'est bah là, c'est maman, ma sœur aînée, l'autre sœur que vous avez vue son mariage. Ils hein. étaient 11, donc, vous me dites. Ah non, là, c'est nous. Oui, non, c'est, mais... C'est nous. Maman était 11. C'est ça, oui. Il n'y en a plus que deux. Les deux derniers, c'est deux jumeaux. Mmh. Et là, alors, donc, c'est... Le petit bébé, c'est qui? Alors là, c'est le premier fils de ma sœur aînée. Alors là, c'est mon dernier frère. Hein, vous voyez, c'est vieux quand même comme photo. Et là, c'est même papa avec sa casquette. Nous sommes dans ce café que vous avez vu tout à l'heure, dans la cour. Mais ça, c'est vous avec qui? Avec mon père, puis ma petite nièce. Alors là, c'était en 54. Moi, je trouve que ça fait partie de la vie, de toute façon. Oui. C'est toute une vie qui est là. Que ce soit les parents, les grands-parents, nous, tout se suit. Hein. Parce que maintenant, je collectionne les petits-enfants, si vous voulez. Alors, quand on n'y sera plus, ils vont en trouver des photos. Ouais. J'ai toujours aimé les photos. Même une carte postale, je la garde. Ah bon? Ah oui. Photographiez-vous, faites votre choix. 4 photos identiques, une photo portrait, 2 photos souvenirs, 4 poses différentes. Dégagez le rideau du fond. Hauteur des yeux, flèche. En marche, introduire une pièce de 5 francs. Retirez la photo à l'extérieur. Stop. Attendre. Réglez le siège plus bas, plus haut. Hors service. N'oublions pas que la photo est présente dans nous-mêmes, dans chaque portefeuille, puis même ne serait-ce que nos photos d'identité. Booba. Et moi, je suis toujours frappé. Moi, j'ai des souvenirs pendant les guerres, des gens avec lesquels on n'a même pas la même langue. Qu'est-ce qu'ils font? Des gens qu'on côtoie dans un train ou des gens qu'on ne reverra pas. Ils sortent aussi de leur portefeuille leur photo, ils vous montrent la photo de leur femme ou de leur ami ou de leurs enfants. Donc, là aussi, c'est quand même très intéressant de voir combien cette photo est présente partout. Rapidement, le portrait carte-médaillon est utilisé comme pièce d'identification. L'invention d'Isdérienne de la carte de visite, en transformant les modalités de la production photographique, réalise ce que Barbé d'Orvilly, et bien d'autres après lui, nommeront la démocratie du portrait. Jean Sagne. Le portrait carte de visite met en place un système de signes propre à traduire l'appartenance à une classe. Colonnes, rideaux, tentures, balustrades, riche mobilier évoquent un confort, mais aussi un pouvoir, un ordre. La conformité à un modèle, la contrainte alors imposée à l'individu de se plier à des règles, ne font que traduire une volonté d'assimilation, de reconnaissance au sein d'un code social. C'est pour cela que je devenais si désemparé lorsqu'on exigeait de moi une ressemblance avec moi-même. Cela se passait lors des séances de photographie. Partout où je posais mes regards, je me voyais entouré de paravents, de coussins, de socles, qui réclamaient mon image, comme les ombres de l'Hadès, le sang de l'animal sacrifié. Finalement, on me sacrifiait à une vue grossièrement peinte des Alpes, et ma main droite, qui devait lever un petit chapeau en poil de chamois, jetait son ombre sur les nuages et les névés de la toile peinte. Pourtant, le souvenir torturé sur les lèvres du petit montagnard n'est pas aussi désolant que le regard du visage d'enfant à l'ombre du palmier d'appartement, ce regard qui me transperce. Le palmier provient d'un de ces studios qui, avec leurs escabeaux et leurs trépieds, leurs tapisseries et leurs chevalets, ont à la fois quelque chose du boudoir et de la chambre de torture. Je suis défiguré à force d'être semblable à tout ce qui est autour de moi. Walter Benjamin. Je t'envoie cette photo d'identité. Elle est vraiment repoussante, mais aussi elle ne t'était pas destinée. Il me la fallait à des fins administratives pour mon mandat de contrôle et elle doit avoir 2 ou 3 ans. Dans la réalité, je ne fais pas la grimace. Je n'ai ce regard visionnaire que sous une lampe au magnésium. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas être épouvanté par la photo. Il n'existe qu'une seule bonne photo récente de moi, mais elle est encadrée avec d'autres photos de famille. Si c'est possible, j'en ferai faire une pour toi. Je tiens tellement à être au moins comme image entre tes mains. Je veux dire, entre tes mains réelles. Car entre tes mains non réelles, j'y suis depuis longtemps. 3 décembre 1912. On est assis sur le métro, où Jean-Claude et Emmanuel a pratiqué. Esaias Baitel. Ils sont pas de fric non plus. Bon, il faut montrer le papier alors, et Jean-Claude montre un papier qui est complètement... Bon, c'est le vrai papier, mais ils sont difficiles à lire parce qu'ils sont passés d'une poche à une autre avec une photo peu reconnaissable. Et il s'est fait engueuler par le contrôleur. Emmanuelle est enceinte, elle est là au 7e mois, 8e je crois, et elle s'est fait bien engueuler aussi. Bien sûr, tout ça, on ne voit pas dans la photo. Et la photo est faite avant que le contrôleur monte sur le wagon. Peut-être le violent, justement, parce qu'il s'attend au contrôle. Il s'attend toujours à être contrôlé. Peut-être c'est même une provocation de leur part de s'habiller en blouson noir pour se faire contrôler. Combattant la rigidité des contraintes imposées par les conventions de la représentation, certains individus, par une pose volontairement anticonformiste, manifestent leur personnalité. Je montrais l'autre jour un ami des photographies Carja, par exemple. Jean Adhémar. J'avais réuni. Et ces photographies Carja montrent que Carja imposait proposait une pose à beaucoup de ses clients. Même des gens intelligents. Il leur proposait une pose. La pose consistait à mettre une main dans sa poche, et dans la poche de son pantalon, et d'autre part, à tenir l'autre main dans un geste un geste de présentation, un geste d'explication, et tout ce que vous voulez. Eh bien, il y a des centaines de photographies de Carja qui représentent donc même les gens importants avec ces poses-là. Mais si vous regardez la photographie de Baudelaire par Carja, mais c'est tout à fait différent. Baudelaire a les deux mains dans ses poches. C'est très différent. Et ça n'a aucun rapport. Et ça montre, n'est-ce pas, que Baudelaire a choisi lui-même, et que Carja a eu l'intelligence de lui laisser choisir une pose qui n'était pas une pose traditionnelle, mais qui était vraiment la pose que lui considérait comme essentielle. Et là, on pourrait rapprocher ça, si vous voulez, par exemple, du daguerréotype de Balzac. On conserve, et tout le monde le connaît, le fameux daguerréotype qui représente Balzac qui a la main sur son cœur et qui est débraillé avec ses bretelles visibles, ce qui, en 1842, était absolument scandaleux. Chérie, ne le nie pas, je te semble bien bizarre sur ma photo. Tu ne veux pas te l'avouer, mais ta lettre te trahit. Du moins lorsqu'on la lit avec un soupçon, comme je l'ai fait cette fois, j'en conviens. Que faire? Telle est bien mon apparence, je n'y peux rien. La photo est mauvaise, mais pour être ressemblante, elle l'est. Mon extérieur est même pire en réalité. La photo date de 2 ans, mais mon aspect juvénile a à peine changé. Sauf qu'à force de veille, je commence à avoir quelques rides dégoûtantes. Chérie, pourras-tu t'habituer à cette image? Et cet homme-là a-t-il encore le droit de t'embrasser? Ou bien devra-t-il signer sans mettre ses baisers? Et puis, songe-y, la photo après tout est encore supportable, mais lorsque l'homme lui-même fera son apparition... 5 décembre 1912. Le portrait, ça t'intéresse? Tu fais des portraits? Non. Je fais pas de portrait. C'est très dur, le portrait. Non, je ne suis pas intéressé par le portrait. De pardon. Lorsque je photographie les gens, je ne les regarde pas dans le cadre. Je surveille les horizontales, je surveille les verticales. Jean-Claude Larieux. Je sens que le moment est propice, que les gens sont en train de se présenter à la photographie. Ils essayent de montrer la meilleure image d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, je n'ose pas les regarder. Je ne les regarde même pas à travers l'œilleton. Je sens que le moment est là. Je le sens parce que je vois tous les objets autour. Je vois les verticales, les horizontales. Et à ce moment-là, j'appuie. Mais je ne sais pas comment sont les gens. En fermant les yeux. En fermant les yeux. Et je ne sais pas à ce moment-là comment sont les gens. Alors au laboratoire, évidemment, j'ai parfois des chocs, effectivement, parce que dans ce genre de photographie que je fais, surtout dans les plans proches, on voit, il y a une espèce de présence quand même dans l'image. Ces gens sont là avec les mains posées sur les genoux, sur la table, le long du corps, ces regards. Parce que je demande aux gens de regarder toujours dans l'objectif, de telle manière que on peut pas dériver. On est là, on doit se présenter là, comme ça. Quand les appareils sont devenus très, très rusés, très rapides, très gloutons, le photographe dit toujours aux gens, ne regardez pas, hein, pour donner toujours l'impression qu'il n'y a aucune connivence entre le gibier misérable et le chasseur superbe qu'il est. Et empêchant les hommes, les femmes de le regarder, ils se privent du regard. Et le regard, pour moi, c'est une chose très très mystérieuse. C'est une espèce de bidule, un laser qui vient du fond des âges, qui traverse tout, l'appareil, le papier, le photographe, le spectateur, qui continue son chemin et qui fait un, comment dirais-je, qui plante un clou dans la mémoire. Alors le regard, pour moi, le fameux charme des photos anciennes, c'est parce que les gens n'avaient pas peur du regard. Maintenant, je suis fatigué et morne, et plus que de baisers, j'aurais besoin de ton regard vivant tel qu'on peut le deviner sur ta photo d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je dirai seulement ce que je trouve à redire à ce portrait. Ton regard refuse de me rencontrer. Il me fuit continuellement. J'ai beau retourner la photo en tous sens, tu trouves toujours un moyen de détourner le regard et de le détourner froidement, comme de propos délibérés. Certes, il m'est loisible d'attirer tout le visage à moi en l'embrassant, et c'est ce que je fais, et je le ferai encore juste avant de me coucher, et je le ferai encore à mon réveil. Nuit du 25 au 26 décembre 1912. Enfin, je t'ai sur ta photo telle que je t'ai vue, non pas certes telle que je t'ai vue la première fois, sans jaquette, tête nue, sans l'encadrement du chapeau, mais telle que je t'ai perdue à la porte de l'hôtel, telle que tu étais quand je marchais à côté de toi sur le Graben, privé de tout contact avec toi et n'éprouvant rien d'autre que le désir du contact le plus étroit. J'y pense tout à coup. N'as-tu pas l'habitude d'écarter fréquemment les cheveux de ton front, surtout par exemple quand tu tiens une photo à la main et que tu veux baisser les yeux? Un souvenir inexact? C'est en effet ainsi que je te vois parfois. Voilà donc le chapeau dont j'ai cru le dessous blanc, homme aveugle que je suis. Mais la blouse n'est pas la même. Celle de Prague était blanche, n'est-ce pas? Je viens de t'embrasser, et après cela, ton sourire est devenu un brin plus amical. Que dis-tu, cher, cher enfant, de cette conduite de ta photo? 26 décembre 1912. Quand je fais une photographie, je la prépare. Je la prépare. Je ne fais jamais une photographie comme ça au hasard. Je l'ai décidé. J'ai prévenu les gens que j'allais chez eux tel jour, telle heure pour aller les photographier, que j'y passerai une matinée, une journée ou deux jours. Et à partir de ce moment-là, j'arrive et je commence à regarder l'angle dans la pièce dans la pièce commune en général. Ça commence comme ça. L'angle qui serait le plus représentatif de l'endroit où je suis et par lequel on verrait le maximum d'objets. Alors dès que j'ai trouvé cet angle, alors ça se fait pas facilement parce que les gens ne savent pas très bien où je vais en venir. On arrive, tout le monde est un peu tendu, les personnes qui vont être photographiées, et moi-même, en général, je n'arrive pas seul, j'arrive avec un ami ou quelqu'un qui va m'assister pour créer un peu autour de ce décor et au milieu de ces gens une espèce d'ambiance un peu frénétique. On ne sait pas très bien où se mettre, on garde le calme, mais enfin, il y a une tension comme ça, il y a un frémissement d'inquiétude générale. Les gens sont inquiets, moi, je ne sais pas si j'en ai l'air, mais je le suis aussi, terriblement. À partir de ce moment-là, on commence à sortir les projecteurs. Je suis toujours obligé de me brancher sur les compteurs, ce qui crée encore des inquiétudes épouvantables aux gens, parce que le compteur, c'est sacré, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors, moi, je suis obligé de me brancher sur le compteur. Alors, on se branche sur le compteur, les gens sont inquiets, on essaye de les écarter du compteur, surtout à Montastruc, dans mon village. Alors, ils s'écartent, bon, on branche, et on commence à placer les projecteurs. Alors, les projecteurs, personnellement, j'éclaire toutes les photographies, et je les éclaire en fonction de la lumière naturelle. Je ne fais que rehausser le climat de lumière général, de telle manière que la pellicule puisse rendre exactement ce que l'œil voit. Et à ce moment-là, quand je suis prêt, l'appareil est en place, les lumières sont en place, à ce moment-là, je dis aux gens, mais je suis prêt quand vous voudrez. Alors, ils me disent, mais où veux-tu qu'on se mette ? Où est-ce que tu veux qu'on se mette ? Alors, toujours, je fais un grand geste comme ça qui englobe toute la pièce et je dis, mais mettez-vous par là. Et alors, à ce moment-là, ils commencent à se placer. Et ils se placent, est-ce que c'est naturel, est-ce que ça ne l'est pas ? Toujours est-il, ils se placent. Ils se mettent les uns à côté des autres, ou ils sont autour de la table, ou ils sont debout, ils se placent. Je ne donne jamais aucune indication de mise en scène. Je ne corrige jamais aucune position. Je laisse faire. Et une fois qu'ils sont en place, je leur dis, regardez bien l'objectif. Tout est prêt. Le climat y est. Il y a une tension qui demeure, qui est épouvantable. Le moment est dramatique et tragique, surtout pour la première photographie. Et à ce moment-là, je déclenche. Et comme j'ai un moteur électrique, je déclenche au coup par coup. Mais j'utilise le moteur électrique non pas comme moteur, mais comme moteur qui va travailler en cadence, mais comme moteur qui va produire un bruit, tintlint, lequel bruit va d'un seul coup surprendre tout le monde, car personne ne s'y attend, on s'attend toujours à un petit déclic de rien du tout, et on entend un bruit qui est très horizontal comme ça, fractionné sur l'horizontale. D'un seul coup, les gens se détendent, rigolent, et à partir de ce moment-là, c'est la deuxième photo qui sera bonne. Et chaque fois qu'on fait une photographie, je ne sais pas si j'ai vraiment ce sentiment au moment où j'appuie ceci, j'ai quand même ce sentiment. J'ai ce sentiment au moment où j'appuie sur le bouton. C'est une prise de possession radicale. C'est radical. Le bruit du déclic est radical. ça ne se discute plus. C'est fait, c'est compressé. L'image est compressée, elle est enregistrée, elle ne bougera plus jamais. Voilà, c'est ce sentiment. On a quand même ce sentiment. Hervé Guibert. La photographie est aussi une pratique très amoureuse. Un jour, mes parents habitaient encore à La Rochelle, dans ce grand appartement clair bordé entièrement par un balcon qui surplombait les arbres du parc et un peu plus loin la mer. Je devais alors avoir 18 ans. J'étais revenu là pour un week-end. Un jour de soleil, mais d'un soleil frais, aéré et doux, j'imagine maintenant mai ou juin, je décidai de prendre ma mère en photo. Je l'avais déjà photographiée en vacances avec mon père, sans réfléchir. Des photos forcément banales, qui ne disaient rien de la relation que nous pouvions avoir, de l'attachement que je pouvais lui porter. Des photos qui se contentaient de livrer obtusément un faciès, une physionomie. Ma mère refusait d'ailleurs le plus souvent de se laisser prendre en photo, argumentant qu'elle n'était pas photogénique, que cette situation immédiatement la crispait. Si j'avais 18 ans, ce devait être en 1973, et ma mère, qui est née en 1928, devait donc avoir 45 ans. Un âge où elle était encore très belle, mais un âge désespéré, où je la sentais à l'extrême limite du vieillissement, de la tristesse. Il faut dire que je me refusais aussi jusque-là à la photographier, car je n'aimais pas sa coiffure, qui était artificiellement bouclée et laquée, de ces affreuses mises en plis que ma mère se faisait faire en alternance avec des permanentes et qui embarrassaient son visage, l'encadraient malencontreusement, le cachaient, le faussaient. Ma mère était de ce fan qui se vante d'une ressemblance avec une actrice, Michel Morgan en l'occurrence, et qui vont chez leur coiffeur avec une photo de cette actrice choisie sur un magazine afin que le coiffeur, en prenant modèle sur la photo, reproduise sur elle la coiffure de l'actrice. Ma mère était donc à peu près coiffée, comme Michel Morgan, qu'évidemment je me mis à haïr. Mon père interdisait à ma mère le maquillage et aussi de teindre ses cheveux, et quand il la photographiait, il lui ordonnait de sourire, ou alors il la prenait malgré elle, en faisant semblant de régler son appareil pour qu'elle ne puisse pas contrôler son image. La première chose que je fis fut d'évacuer mon père du théâtre où la photo allait se produire, de le chasser pour que son regard à elle ne place plus par le sien et par cette demande d'apparence, donc en fait de la libérer momentanément de toute cette pression accumulée pendant plus de 20 ans et qu'il n'y ait plus que notre connivence à nous, une connivence nouvelle, débarrassée du mari et du père, juste une mère et son fils. N'était-ce pas en réalité le décès de mon père que je voulais mettre en scène. La seconde chose fut de délivrer son visage de ce fatras de coiffure. Je lui passai moi-même la tête sous le robinet, accroupi dans la salle de bain, afin que ses cheveux défrisent. Je plaçai sur sa tête une serviette, afin que ses épaules ne soient pas mouillées. Elle était en combinaison blanche. J'avais essayé plusieurs robes anciennes dont le souvenir remontait à l'enfance. Par exemple, cette robe à volant bleu, à pois blanc, qui est associée à un souvenir de dimanche, de fête, d'été, de plaisir. Mais soit ma mère ne pouvait plus rentrer dans la robe, soit la robe me paraissait de trop, prendre trop d'importance, être trop voyante, et finir par cacher encore ma mère, mais dans un sens contraire à celui de mon père, alors que toute tentative, rétrospectivement, consistait à la dénuder. Je peignais longtemps ses cheveux blonds, mi-longs, pour qu'ils soient absolument raides, de chaque côté de son visage, sans volume, sans flou, en laissant apparaître la pureté des lignes, son nez long et droit, ses maxillaires bien effilés, ses pommettes hautes, et pourquoi pas, bien que la photo allait être en noir et blanc, ses yeux bleus. Je la poudrais un peu, d'une poudre pâle, presque blanche. Puis je l'emmenais dans le salon, qui était excessivement baigné de lumière, de cette lumière douce et chaude, envahissante, reposante, de ce début d'été, et j'arrangeais un des fauteuils blancs parmi les plantes vertes, le figuier, le caoutchouc, de travers afin que la lumière tombe plus doucement sur lui, et je baissais un peu le store pour atténuer l'intensité lumineuse, qui risquait de gommer, d'aplanir le visage. J'enlevais aussi du champ probable de la photo toutes ces choses présentes, mais distrayantes, comme cette table en plexiglas sur laquelle reposaient des revues de télévision. Ma mère était assise dans ce fauteuil, avec sa combinaison et sa serviette sur les épaules, et elle attendait, droite, mais sans aucune raideur, que j'aie fini la préparation. Je remarquais que ses traits s'étaient déjà excessivement détendus, comme ces petites rides qui menaçaient de pincer sa bouche avaient tout à fait disparu. J'arrêtais momentanément le temps et le vieillissement, je retournais en arrière dans mon amour pour ma mère. Elle était là, assise, majestueuse, comme une reine avant une exécution capitale. Je me demande maintenant si ce n'est pas sa propre exécution qu'elle attendait. Car une fois la photo prise, l'image fixée, le processus de vieillissement pouvait bien reprendre, et cette fois à une vitesse vertigineuse. À cet âge, entre 45 et 50 ans, où il surprend si brutalement les femmes. Et je savais qu'une fois le ressort détendu, elle laisserait faire avec un détachement, une sérénité, une résignation absolue, et qu'elle continuerait à vivre avec cette image dégradée, sans tenter de la récupérer, au bord d'un miroir, avec des crèmes et des masques de beauté. Je la pris en photo. Elle était à ce moment-là au summum de sa beauté. Le visage totalement détendu et lisse, elle ne parlait pas. Je tournais autour d'elle, elle avait sur les lèvres un sourire imperceptible, indéfinissable, de paix, de bonheur, comme si la lumière la baignait, comme si ce tourbillon lent autour d'elle, à distance, était la plus douce des caresses. Je pense qu'à ce moment, elle jouissait de cette image d'elle-même que moi, son fils, je lui permettais d'obtenir et que je capturais à l'insu de mon père. En fait, c'est ça, l'image d'une femme qui jouit, qu'elle ne pouvait jamais avoir, censurée par son mari, une image interdite. Et le plaisir d'elle à moi était d'autant plus fort que l'interdit volait en éclats. Ce fut un instant suspendu, un instant sans inquiétude, rassérénant. La séance était finie. Mon père revint. Ma mère remit une robe, refit aussitôt sa coiffure en mettant des rouleaux à ses cheveux et en passant sous le casque séchoir. Elle redevint la femme de son mari, la femme de 45 ans, alors que la photo, momentanément, comme par magie, avait suspendu l'âge, n'en avait fait qu'une idée sociale et absurde. Ma mère, à ce moment-là, avait été belle, plus belle qu'elle ne l'avait jamais été à aucun moment de sa jeunesse. C'est ce que je voulais croire. Je ne la reconnus plus, je voulus l'oublier, ne plus la voir, me fixer à jamais sur cette image qu'on allait extraire du bain révélateur. Mon père venait de s'acheter cet appareil, un relais 35, et je m'en servais pour la première fois. Il s'était aussi acheté un matériel de développement qu'il avait installé dans la salle de bain. Nous décidâmes de tirer aussitôt le film, et le temps qu'il plongeait dans le bain correspondait à celui où ma mère enlevait la poudre de son visage, faisait sécher ses cheveux, réintégrait son image première. Cette image première était totalement, définitivement reconstituée lorsque nous voulûmes faire sortir l'image occasionnelle, l'image subversive, la photo. Mais elle n'existait pas. Nous vîmes en transparence, contre la lumière bleutée de la salle de bain, le film entier non impressionné, blanc de part en part. Comme c'était mon père qui avait procédé au développement et que cette image qu'il devait faire sortir malgré lui était comme la dénégation de l'image qu'il avait mis 20 ans à forger, je pus croire un instant à une conjuration, à un détournement, à une erreur de manipulation, fut-elle inconsciente. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Je n'avais pas bien enclenché le film dans l'appareil. Il s'était décroché de ses petites griffes noires qui le retenaient, qui le faisaient avancer, et j'avais photographié à vide, à blanc, l'instant essentiel, perdu, sacrifié. Le mouvement inverse à celui du réveil par rapport au cauchemar. La révélation du film étant comme le réveil après la séance rêve, qui à l'inverse ne s'effaçait pas tout à coup, mais devenait dans la réalité de l'absence d'impression, séance cauchemar au lieu de séance rêve. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels, a kiss on the hand. maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Alors vous intéressez au visage de Bernadette. Je m'y suis intéressé aussi dans le cours de mes études sur l'autre qui ont commencé voilà un peu plus de 25 ans. Monsieur l'abbé René Laurentin. Lorsque je dépouillais des archives austères, ces vieux papiers illisibles qui vous arrachent les yeux, j'ai eu de temps en temps un éblouissement en trouvant ces petites photos jaunies, parfois à moitié repliées sur elles-mêmes, enroulées, qui me montraient un visage, le visage de Bernadette. Et un regard, un étonnant regard. On sentait que son visage l'exprimait mieux que son écrit. Alors feuilletons cet album de photos. Je vais faire un petit peu le montreur d'images. Alors voilà d'abord les photos Bernadou, celle où il a voulu la reproduire en extase et il s'est buté, n'est-ce pas, au fait que Bernadette ne voulait pas jouer la comédie. Elle a tout de même pu la faire lever les yeux au ciel et reste assez simple dans son attitude. Il y en a une, il y a un trait, un trois quarts, et un profil où elle reproduit le geste qu'elle avait eu, une apparition, pour tendre son chapelet vers la Vierge, toute une histoire, enfin, qu'on lira dans l'histoire des apparitions. Bernadette, elle est elle-même, et sur la plupart des photos, elle est bien elle-même. C'est très, nous verrons les cas où elle se contracte et ce que ça veut dire, n'est-ce pas? De même, alors, les photos des pages suivantes, où elle est au milieu d'un groupe. I'll be in my room alone, every post meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. L'objectivité de la photographie lui confère une crédibilité absente de toute œuvre picturale. Quelles que soient les objections de notre esprit critique, nous sommes obligés de croire à l'existence de l'objet représenté, effectivement représenté, c'est-à-dire rendu présent dans le temps et dans l'espace. André Bazin. Il y a deux photos, j'ai eu beaucoup de chance de retrouver les deux, qui étaient à des lieux l'une de l'autre, n'est-ce pas? Il y en a même eu où Bernadette fixe, on croirait presque qu'elle a une apparition, parce qu'elle fixe avec une étonnante intensité quelque chose qui se trouve à gauche de l'appareil. Qu'est-ce qu'elle a vu? Quelle mouche volée, quel tableau, quelque chose qui lui inspire... qui pénètre son visage. Bon, nous ne saurons jamais ce qu'est la vie. Suivez-moi, ou je vous fais passer devant. Très bien, merci. C'est par ici. Jean-Yves Brégand. Alors ici, vous avez les cuves qui servent à développer les films. Donc les développements ici sont faits par Nicky. Et l'intérêt de ce genre de développement, c'est de développer les films 135 par 4. Oui. Et de faire ça avec un révélateur qui ne sert qu'une fois. Pour moi, le laboratoire, c'est un moment plutôt inquiétant du processus. C'est un moment... j'ai l'impression même que c'est le moment le plus difficile. Étant donné que j'ai choisi... plusieurs semaines à l'avance, les photos que je vais tirer, que je ne reviens jamais sur ma sélection parce que c'est trop difficile au moment de tirer, d'avoir à choisir une photographie. Pour moi, il faut qu'elle soit choisie vraiment longtemps à l'avance. Une fois qu'elle est choisie, je la place dans le passe-vue, je la fais apparaître. La lumière tombe sur le papier. C'est une espèce de grand silence. Il y a un grand silence dans cette lumière, une espèce de lumière lunaire comme ça. C'est ce qui me... C'est le moment qui me touche le plus. Bien, alors ici, vous avez le laboratoire. Alors ici, c'est l'endroit où se font les tirages. Donc avec un agrandisseur, puis ensuite les cuvettes de traitement. Et tout ce que ça comporte, le petit coin pour faire les descentes au ferry, pour... on peut faire plein de choses, des virages, enfin disons, c'est l'endroit où se traite la photo. Et alors la chambre noire, elle est où ? Attention, parce qu'en photo, il y a deux chambres noires. Le noir, le complet, c'est pour le développement des films. Et la partie, l'autre partie noire, qui en réalité est un éclairage inactiné, qui se trouve ici. Donc ici, en fait, c'est toujours un peu éclairé, c'est pas... Ah oui, mais je vais vous montrer, si vous voulez. Oui. Voilà l'ambiance du laboratoire. On a deux solutions, soit éclairé en sodium, qui est une lumière jaune, ou éclairé en rouge. Donc l'avantage, si vous voulez, d'un tube néon, c'est une question d'œil, bon, faut s'habituer simplement, mais enfin, disons, l'usage est exactement le même. Et au moment où elle se révèle, on la voit arriver de très très loin, on la sent arriver de très très loin. Elle arrive très très grise, à peine perceptible au début, elle monte, quoi. Elle monte d'une manière presque imperceptible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne la laisse que 3 minutes. Tout est réglé chez moi pour travailler sur 3 minutes. Si au bout de 3 minutes, elle doit avoir atteint son apogée dans la révélation. Et c'est pas à ce moment-là que je vois apparaître ses visages. C'est dans la deuxième phase, quand elle est déjà stabilisée un peu dans le fixateur. À ce moment-là, l'image est tellement violente qu'elle est inregardable. Elle est inregardable. Quand en 1898, pour la première fois, un photographe a été autorisé à photographier le Saint-Sphère, la photo était alors une vieille dame vénérable de donc 60 ans et plus. Alors, lorsque ce photographe a constaté que cette empreinte bizarre, enfin, que les peintres interprétaient comme ils pouvaient, puisqu'on tâchait d'y retrouver le Christ avec je ne sais quelle intuition, s'est aperçu que cette empreinte incohérente prenait une cohérence comme une photographie et livrait le positif d'un visage dont on n'avait connu que le négatif en un temps où le négatif n'avait pas de sens, puisqu'on ne connaissait pas la photo. Alors, tout ce qui est frustré dans l'homme, dans la foi, dans le sens de la vie, se serait rattrapé par le biais même de l'expérience technique, à partir de cette expérience technique première qui a été le décryptage d'un négatif en positif. Les gens ont le sentiment de toucher quelque chose grâce à la qualité merveilleuse de ce visage. Et de ce visage qui a façonné toute l'iconographie chrétienne, puisque depuis le VIe siècle, malgré que ce soit un négatif, il a inspiré l'iconographie. Et donc, il révèle l'iconographie à elle-même le jour où les contresens que les peintres ont interprétés parfois avec un certain génie révèlent leur vrai sens. La petite pochette que tu m'as donnée est miraculeuse. Grâce à elle, je deviens un autre homme, un homme plus calme et meilleur. Cette possibilité, où que je sois, de regarder ta petite photo ou tout au moins de sortir la pochette, c'est encore un nouveau bonheur que je te dois. Lorsque je regarde ta petite photo, elle est devant moi, je m'étonne toujours de la force de ce qui nous lie l'un à l'autre. Derrière tout ce qu'il y a à contempler, derrière le cher visage, que l'on voudrait au plus vite entourer de son bras, derrière tout cela, agissent des forces qui me sont si proches et si indispensables. Tout cela est un mystère dans lequel la créature infime que l'on est devrait seulement s'abîmer en toute soumission, sans avoir le droit de le contempler. 26-27 décembre 1912. Lisette Model. Je dirais là quelque chose qui peut-être n'est pas facile à comprendre. Par exemple, quand on regarde les choses, quand je sors dans la ville ou dans les rues, je regarde les choses, on connaît les choses et on les comprend à un certain degré. Mais toute la chose et toute la vie et tout ce qui vous entoure et tout ce que vous êtes, et la vie et la mort et tout ça, on ne comprend pas. Et ça peut aussi être dans n'importe quel objet, dans n'importe quelle chose. Alors, en prenant une photo, c'est presque comme si je demandais une question. Que les yeux et les sens ne donnent pas la réponse immédiatement. Et c'est à travers une photo qui passe à travers un autre médium que j'ai l'impression, des fois, il y a une réponse qui est donnée. C'est-à-dire quelque chose, un instant est fixé, que l'on ne peut pas retenir avec les yeux. Et cet instant doit être un instant important pour la chose. En regardant ces fleurs, par exemple, évidemment, je sais ce que c'est. Ils sont dans un verre, ils sont sur une table, contre un mur blanc, des fleurs blanches que j'ai choisies, évidemment, pour une certaine raison. Et c'est tout ce que l'on sait, mais ensuite, il y a encore beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je ne sais pas. Ce serait peut-être dans une peinture, ou dans une photo, ou quand on regarde. Ça, je ne peux pas exprimer. Et bien, alors, si ce n'était pas comme ça, personne n'aurait jamais touché aux arts. The question of personal identity is central to a lot of my thinking. I'm very, very interested in who is this speaking. We have to believe in our identity, but our identity is unknown. Quand la première fois que Cartier-Bresson était venu chez moi, j'habitais à Montmartre il y a de ça 25 ans, parce que j'étais tout jeune, il vient me voir, il a pris une photo, il l'a mis dans la glace, il l'a retournée. Moi j'étais un peu estomaqué, mais et c'était pour voir si elle tenait bien. Et je suis sûr de cela, parce que qu'on a bien dit depuis le début qu'une photo c'est rien du tout, on appuie sur un bouton, ce n'est rien. Mais dans ce rien, il faut que ça tienne, il faut tout trouver. Et si une photo est mal composée, elle ne tiendra pas. Duane Michaels. I work according to my own taste, and I want a beautiful photograph. In the same way a painter wants to produce a beautiful painting, all those formal qualities to me are the structure of my house. The house is my life. I'm inside the house. The walls are my work. Je travaille selon mon goût, et je veux une belle photographie, de la même façon qu'un peintre veut produire un beau tableau. Toutes ces qualités formelles sont pour moi la structure de ma maison. La maison, c'est mon existence. Je suis dans la maison. Les murs, ce sont mes œuvres. Ici, c'était vraiment l'architecture qui comptait, les couleurs, la lumière qui tombait comme ça, et les gens en plus qui devaient expliquer le tout. Harry Gruyard. Mais il s'est passé mille et une choses, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Et là, il y a cette fille-là qui est passée là et qui a complété une photo de sans les gens là-dedans, était bon, beau mais vide, tandis qu'avec la fille en plus, il y a une tension là qui complète la photo. Le seul problème dans le tirage, c'est qu'on arrive toujours à... C'est très difficile de faire deux tirages semblables. Bon, ben là-dessus, j'ai l'impression que je manque un tout petit peu de pose. Parce qu'on manque un tout petit peu de densité. Faut avoir des noirs, mais faut avoir des noirs qui sont complets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas où il reste de la matière. Mais vraiment, les plus gros problèmes, c'est d'avoir des noirs. Par exemple, quand on tire des photos de mode, vous avez d'abord, c'est très dur de photographier un tissu noir. Ou un bon développement, c'est déjà primordial, un négatif pas trop dur. Et ensuite, au tirage, faut s'arranger de façon à ce que le vêtement soit noir, mais soit pas bouché. Parce qu'une fois, si vous tirez par exemple un noir complet, bon, ici, c'est pas un problème. Donc à ce moment-là, il faut rester vraiment dans toutes ces parties noires, il faut rester détaillé. Dans cette photographie, par exemple, j'ai un personnage qui est encadré, d'une manière qui me plaît énormément. Willy Ronis. Et d'ailleurs, j'ai prévu ce moment. Je l'ai attendu. J'ai vu ce personnage monter l'escalier. J'ai attendu qu'il soit à cette place-là pour le photographier. Dans cette autre photographie, c'est la même chose. Cette femme est encadrée par la porte et la vision du bistrot est frontale. On a dans les quatre coins à peu près des angles droits. Pour moi, il n'y a pas de contenu qui soit exprimé de manière totale s'il n'y a pas une forme qui soit étudiée dans tous ses détails. Bien sûr, on ne peut pas toujours faire ça dans la photographie prise sur le vif. Mais c'est précisément un de ces défis qui sont tellement passionnants pour le photographe qui aime travailler sur le vif. C'est d'essayer de construire dans le contingent quelque chose dont tous les éléments paraissent en quelque sorte exemplaires. Alors, là, il y a un tout petit peu plus de détails dans le bonhomme, ce qui est bien. Là, il est, le noir est bouché. Son foulard blanc vient nul. Mais par contre... Ça, éventuellement, si la dernière est meilleure, on peut le rapporter légèrement au ferré. Ah oui, le haut du ciel est mieux, l'arbre est mieux dans celle-ci. Et là-dedans, le blanc... Et là, il est mieux. Ouais. C'est vraiment le maximum. Et là, c'est un peu plus haut que là, mais ouais. ça fait rien. Je suis arrivé même à avoir plus de matière ici. Vous voyez, j'ai un peu débouché même là-dessus, tout en ayant plus de ici. Là, ça reste blanc dans le machin, là, mais ça fait rien. Mais sur le négatif, j'ai vu une chose, c'est qu'on monte en gris, on monte pas en détail. Tellement tellement il est saturé. Oui, bon. Très bien. J'en ai qu'une de celle-ci parce que je pense qu'elle n'avait pas trop de problèmes. Celle-ci, j'en ai qu'une aussi. Oui, je pense. Que... On aurait presque pu avoir là. J'ai des tirages où cette main est plus blanche. À force de vouloir amener du détail, on la grise un peu trop. C'est-à-dire cette main peut être plus blanche. Alors on la voit bien dans la chose étonnante, c'est que je l'ai retenue au tirage parce qu'elle montait trop justement. Montait quoi? Devenait trop. Venait trop grise. Oui. Elle était retenue. Et on peut la. C'est comme là, les visages. Oui. Là, on peut faire les visages un peu plus clairs. Ouais. Là, par exemple, j'avais repéré le. Bon, il y avait le mur qui était beau, qui était. J'aimais bien la structure, la couleur et tout. La femme était assise à côté de la chèvre. Et je sentais bien qu'il y avait un truc qui était intéressant. Là, c'était pas complet, mais c'était intéressant. Alors, je suis resté par là assez longtemps. Et à un certain moment, la femme s'est levée. Et pour pas se montrer, elle m'a tourné le dos. Et elle m'a montré l'enfant qui était sur le dos. Et moi, je ne savais pas, quand elle est assise, qu'il y avait un enfant qui était sur le dos. Donc, j'ai une série de photos, une dizaine de photos d'elle assise comme ça, qui se lève, qui se tourne vers moi. Et une photo en face de cet enfant qui complète tout, mais dans laquelle je ne me rendais absolument pas compte. Et quand elle m'a tourné le dos et j'ai vu cet enfant, je bondais. Et c'était fantastique. Et c'est vraiment, la photo était là. That is a recognition of the cut, the crop. Rosalind Krauss. Si la photographie reproduit le monde, elle le fait seulement par morceaux. Ainsi, Cavell n'a pas de mal à situer l'essence de la photographie dans le fait nécessaire de la découpe. A photograph is cropped not necessarily by a paper cutter or by masking, but by the camera itself. The camera being finite crops a portion from an indefinitely larger field. L'appareil photo découpe une portion d'espace dans un champ infiniment plus large. Quand une photographie est découpée, le reste du monde est écarté. La présence implicite du reste du monde et son rejet explicite sont aussi essentiels dans l'expérience d'une photographie que ce qu'elle présente explicitement. Travailler plein cadre, c'est-à-dire le filet, c'est le bord du négatif qui, une fois mis dans l'agrandisseur, Guy Le Querec. Conserve, enfin, vous voyez, un négatif. Autour, il y a une partie blanche qui, en positif sur le papier, devient noire. Bon, c'est-à-dire que c'est une indication, qui est un peu un choix esthétique, il faut bien le reconnaître, mais qui est en même temps une sorte de presque d'école photographique. Enfin, Le grand instigateur de ça, c'est Cartier-Bresson qui y ajoutait un tampon disant qu'on n'avait pas le droit de recadrer sa photo. Tout simplement, je me suis approché des choses qui avaient un grand volume. Si par exemple je photographiais une chaise ou un fauteuil, ce serait toujours un fauteuil volumineux. Ou une maison, j'espère que la maison sera ronde. Ou par exemple, je suis allé photographier les poissons. Ben, c'était pas les petits poissons magnifiques et jolis et des couleurs, c'était de la baleine. Et si je vais dans un zoo, alors je photographie les éléphants et les rhinocéros, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. Mais c'est instinctif, ça, je ne peux pas donner l'explication. Ce filet noir, donc, la trace qui indiquait qu'il s'agissait d'un plan négatif, mettait en évidence aussi que c'était bien une relation entière, immédiate, qu'on avait eu avec la réalité. Je parlais tout à l'heure d'un rapport mystique qu'on pouvait avoir, de cette relation qu'a le photographe avec son environnement et la manière qu'il a de capter cette réalité. Et souvent, je la compare à un pêcheur à la ligne, un pêcheur qui pourrait soit être en eau claire, soit en eau trouble. Et lorsque c'est en eau trouble, on attend. En fait, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il y a une ligne qui est jetée. Ce qu'on voit sortir, je veux dire, c'est un poisson, il est petit, il est grand, et on ne le modifie pas, on le met là, on revient avec, parfois on est bredouille. Alors cette photo-là qu'on a sous les yeux maintenant, c'est une femme, une grosse femme. C'est une femme que j'ai rencontrée au bord de la mer, ici à Coney Island. Et quand elle m'a vue, elle a dit, prenez une photo de moi. Je dis bien, c'était formidable pour moi, parce que vraiment, ça correspondait à tout ce que je peux imaginer. À rêver. Et alors, là, c'est cette photo que j'ai prise. Les gens sont venus qui ont rigolé. Et alors, elle avait dit, vous êtes des idiots. Vous n'avez jamais vu une femme grosse et s'est couchée dans l'eau et j'ai pris une autre photo. Elle n'est pas là-dedans. Non, elle n'est pas là-dedans. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Mais ça, c'est... Vous savez, on aurait pu prendre cette photo n'importe quoi. Mais ce n'est pas pris n'importe comment. Quand vous la voyez maintenant, qu'est-ce qui pour vous maintenant en fait l'originalité par rapport à la situation dans laquelle vous l'avez faite? La distance, c'est-à-dire c'est le plus près possible, sans déformation. Ensuite, la lumière qui tombe sur elle, l'angle, le sourire. La mer par derrière, les ondes qui passent ici. La façon dont elle tient les pieds et les mains. C'est unique, c'est fini dans une seconde. Peut-être c'est aussi une manière de... Enfin, je crois, je sais pas, enfin, là aussi je le découvre peut-être en parlant, mais de ne pas avoir le droit de mutiler une photo, même faite par moi, ou de supprimer quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des gens qui, pour des raisons de composition, s'avèrent gênants sur certaines de mes photos et je n'arrive pas à les enlever. Je vais... aussi près que possible, sans déformer. Et c'est à cause de ça que je coupe mes photos. Et je trouve que, comme Ansel Adams, comme tous les gens disent, oh, Cartier-Bresson, que c'est un crime de couper une photo. Pas du tout. Pourquoi moi, je dois me... comment est-ce qu'on dit ça, ça peut être... Il y a des formats commerciaux. C'est-à-dire 35 mm... carré dans le Rolleiflex et tout ça, et je ne vois pas du tout pourquoi je dois me mettre dans ces formats commerciaux. C'est moi qui décide le format. C'est-à-dire, pour moi, l'agrandisseur est de la plus haute importance. C'est moi qui fais avec l'agrandisseur ce que je veux. Et des fois, des images que l'on ne peut pas prendre avec les lentilles, même pas avec trois lentilles. C'est le même problème de la llamada creación. Es una parte de la creación que le llaman composición. Y esa composición es tan automática, tan chispa producida como cualquier otra parte. Et c'est important ça, la composition, qu'il pense que c'est fondamental dans la création. La composition, ça exprime vraiment l'individu lui-même. La composition est tout à fait fondamentale chez un photographe. Donc il ne pense pas que la photographie est une expérience fragmentaire. Oh, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir. Il sait pas ce que... Non, non, il ne pense pas que c'est fragmentaire, il pense que c'est global. Ah, ça alors, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il pense, c'est que la photographie est une expérience fragmentaria. Une expérience... Il est comme ça. Il est... ocupar justamente ese sí. No creo que pueda ser fragmentaria desde el momento en que forma parte física del fotógrafo, del artista. Ça ne peut pas être fragmentaire. Justement, c'est global, ça fait partie de l'artiste lui-même, c'est jamais fragmentaire. With all of this in mind, we might now turn to the cloud pictures that Stieglitz made from 1923 to 1931 and called Equivalents. For these are works that are most radically and nakedly dependent on cutting, on the effect of punching the image. Nous pouvons maintenant en arriver aux images de nuages que Stieglitz a faites de 1923 à 1931 et qu'il a nommées Equivalents. Ces œuvres dépendent très nettement de la découpe. Stieglitz makes evident in these images. This is not just that the sky is vast and the photograph is only a limited part of it. But that the sky is essentially not composed. Ce n'est pas seulement que le ciel est vaste et que la photographie n'en est qu'une partie limitée, mais que le ciel est essentiellement non composé. L'objet résiste à une composition interne. Ici, la composition est hors de propos, de la même façon qu'un ready-made court-circuite toute considération des relations internes entre ses parties. La signification d'un ready-made tient à la modification de son contexte, et de même, les images photographiques qui nous apparaissent comme un tout non analysable dépendent entièrement du seul geste de la découpe. Stake everything on the single act of cutting something out, a gesture that makes them by cutting. Rosaline Krauss. L'idée de découpage, le fait qu'une photographie n'est qu'une fragment, une chose très très partielle, coupée du monde entier. Et pour Stieglitz, cette idée de fragment n'apparaîtra pas avant la fin des années 1910. Le découpage pour lui, pour Stieglitz, est une question de découper le corps, découper l'image du monde, mais aussi de découper le sensation du corps du photographe ou du corps de spectateur du monde aussi, c'est-à-dire de déraciner le corps, de faire le corps comme sans terre. That's not French. How do you say that? de découvre une déstabilisation du corps. Même si l'image est d'un objet réel comme un nuage, le nuage est déchiré, déraciné d'une une place dans la réalité et entre dans une domaine qui est uniquement le domaine de l'image, mais l'image sans référent du monde. L'impression que les gens que je photographie sont des gens très forts et très vitaux, et que dans des gens comme ça, j'en trouve très peu, parce que la plupart des gens sont l'un à l'air de l'autre, très médiocres, très pâles, rien ne sort, rien ne s'exprime. Et tout d'un coup, il y a des fois des gens où tout d'un coup, une personnalité comme cette femme-là, et cette élégance qu'il y a dans cette femme pauvre. Et c'était pris où, ça? À New York. À quel endroit? Non, je vous demande. Dans la ville basse, Lower East Side. Et Il y a un type qui lit le journal ici, sans s'occuper de rien du tout. Et ensuite, ce sont des gens, à mon avis, qui sont très forts, très vitaux, et qui expriment dans leur physique d'une façon extraordinaire. Ce sont là que j'aime. Vraiment, j'espère vivre 150 ans. On ne vit pas assez. Et c'est la faute de la civilisation, parce que tous les médecins qui vraiment sont de bons médecins, ils disent que l'homme est fait pour vivre beaucoup plus. D'ailleurs, les gens, il y a des milliers d'années, ils vivaient 150 ans, 200 ans, qui sait. Et au Tibet, c'est une question de... Vous êtes allé ? Où, à Tibet ? Oui. Jamais de la vie. C'est trop loin. Parfois, le désir de te voir me prend à la gorge. La pochette est ouverte, et aussitôt, tu te montres avec gentillesse et bonté à mon regard insatiable. À la lumière des réverbères, devant les vitrines éclairées, en m'arrêtant subitement dans les couloirs, à côté de mon secrétaire, à la fenêtre de la salle de séjour, tandis qu'une foule d'invités et de parents remplit la pièce derrière moi. « Chérie, chérie, même ces mots brefs, je ne pourrais pas toujours les prononcer, parce que bien souvent, je ne puis penser à toi qu'en serrant les dents. Et que cette petite photo soit aussi inépuisable, c'est la cause, il est vrai, d'autant de joie que de chagrin. Elle ne passe pas, elle ne se dissout pas comme quelque chose de vivant. En revanche, elle reste à jamais conservée comme une continuelle consolation. Elle ne veut pas me pénétrer, mais elle ne m'abandonne pas non plus. » Nuit du 27 au 28 décembre 1912. Il se trouve que les conditions générales de conservation de la photographie sont semblables à celles de la conservation de la gravure. C'est-à-dire qu'il s'agit d'œuvres sur papier. Jean-Claude Lemagny. Qui, première chose très importante, ce sont des œuvres qui ne peuvent pas supporter, que ce soit la gravure, le dessin ou la photographie, toute œuvre sur papier, qui ne peuvent pas supporter d'être trop longtemps exposées à la lumière. C'est pas quelques semaines, quelques mois, oui, mais certainement pas rester des années, car là, on le sait, c'est certain, le papier jaunira et l'œuvre sera détruite, et tombera en poussière. Donc, déjà, un musée de la gravure et de la photographie, comme un cabinet d'estampes, comme est aussi un cabinet de dessin, c'est un musée qui se présente d'une façon très particulière. Et un musée de la gravure et de la photographie est un musée où les œuvres sont conservées dans des reliures ou dans des portefeuilles à l'abri de la lumière, et où elles sont consultées sur des pupitres, sur des tables, par des gens qui se trouvent exactement dans la situation du lecteur de bibliothèque, et qui consultent un catalogue et qui demandent qu'on leur apporte tel ou tel recueil, qui consultent un temps assez court, et ensuite le recueil retourne à l'obscurité. Une psychanalyse des arts plastiques pourrait considérer la pratique de l'embaumement comme un fait fondamental de leur genèse. À l'origine de la peinture et de la sculpture, elle trouverait le complexe de la momie. La religion égyptienne, dirigée tout entière contre la mort, faisait dépendre la survie de la pérennité matérielle du corps. Ces ombres grises ou sépia, fantomatiques, presque illisibles, ce ne sont plus les traditionnels portraits de famille, c'est la présence troublante de vie arrêtée dans leur durée, libérée de leur destin, non par les prestiges de l'art, mais par la vertu d'une mécanique impassible. Car la photographie ne crée pas, comme l'art, de l'éternité. Elle embaume le temps. Elle le soustrait seulement à sa propre corruption. André Bazin. La photographie est fille de la chimie et non de la physique. Elle commence avec cette affaire de suaire et de chambre noire en forme de tombeau. Il y a bientôt 2000 ans, quelque part en Palestine ou en Judée. Cette affaire de révélation, d'images révélées par l'action de certaines substances. J'ai parlé de la Judée. Or, si l'on fait un peu d'histoire de la photographie, on voit que la substance clé dans les recherches de Niepce pour trouver le moyen de fixer l'image de la chambre noire, ce n'était pas un sel d'argent, mais un produit utilisé par les graveurs comme base des vernis de protection contre la morsure des acides et qui s'appelait bitume de Judée. Or, on n'a pas assez remarqué que le bitume de Judée avait une histoire, et même une histoire assez considérable, puisque, au-delà de la période qui est associée pour nous à ce nom de Judée, c'est-à-dire l'occupation romaine et l'épisode christique, elle nous conduit jusqu'à l'Égypte ancienne et à la pratique de l'embaumement par les Égyptiens. Car le bitume de Judée est la matière première de la plupart des embaumements. C'est ce qu'on retrouve toujours dans les autopsies des momies humaines ou animales. Sylvain Roumette. Si on veut lui laisser une vie assez longue, il faut quand même la traiter correctement. Parce que sinon, elle disparaîtra. Bien sinon, sa durée de vie serait considérablement réduite. Et disons, il y a deux choses importantes, c'est-à-dire au niveau du fixage, il faut qu'elle fixe un minimum de temps. Et ensuite, il faut un lavage très important. Parce que tout le fixage doit être éliminé. Sinon, admettons par exemple cette photo, on la prend, on la sèche tout de suite. Généralement, au bout de 6 mois, elle va commencer à disparaître. Elle va commencer à se tacher. Et elle va devenir jaune et l'image disparaîtra. Disons, il y a deux choses importantes. C'est dans la conservation des épreuves, c'est le fixage. Et ensuite le lavage. La couleur, ben oui, j'en fais beaucoup, mais c'est pas très stable. Donc, puisqu'on travaille pour l'éternité, on a déjà le sentiment que ça va foutre le camp d'ici 20 ans. Enfin, il n'y aura plus rien. Ce qui existe déjà, ce qui se produit avec les papiers actuels, hein, les papiers plastiques, il paraît que ça ne durera pas. Bon, c'est bien triste. Puisqu'on travaille pour la pyramide. Mais alors, quelle importance ça a pour vous, la gomme de famille ? On sort un peu de l'anonymat avec l'album de famille. C'est évident que dans une famille, on est obligé de parler des anciens. Quand on peut leur donner un visage avec une photo, c'est quand même mieux que d'essayer de les expliquer, et surtout expliquer par ceux qui ne les ont pas vus. Et puis si quand même on est enraciné dans le coin depuis un siècle et demi maintenant, alors on n'a pas eu à souffrir de déménagement, parce que les photos souffrent terriblement des déménagements, des guerres. On n'a pas eu à souffrir de ça, et je pense que on se doit de conserver ça pour le transmettre. Pour vous montrer à quel point j'ai horreur des photographies, je peux vous raconter une anecdote. J'appelle cela une anecdote, mais c'est assez grave. J'ai perdu mon père, il y a de cela très longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a très longtemps que cela m'a fait beaucoup de peine. Je ne pouvais plus ensuite supporter une photographie. Voilà qui est probablement fort commun. Ce n'était pas tant que ces photographies me parussent émouvantes, me troublassent exagérément, non. C'était parce que cela me paraissait correspondre à rien de réel. À ce propos, il me semble qu'il ne serait pas mal de continuer à photographier après la mort, de photographier le cadavre proprement dit, de photographier la suite. Ce n'est pas très drôle. Il y a un très mauvais moment à passer, comme une sale maladie, le moment de la décomposition. Mais après cela, il y a un petit long moment pendant lequel les vers se chargent de nettoyer tout ça très bien. Et ensuite cette image, quand les os sont dans la boîte, bien propres, bien nettoyés, bien rangés, il ne me semble pas que cela soit une image intolérable. Pour moi, je la juge beaucoup plus rassurante pour l'esprit de celui qui la regarde qu'une ancienne photographie. Cela, c'est vrai. Et n'est pas intolérable. Francis Ponge. I did a photograph of my mother, my father and my brother in 1960 when my brother was 21 years old. J'ai fait une photo en 1960 de mon père, de ma mère et de mon frère lorsqu'il avait 20 ans. And then my father died 3 years ago and I wrote a text with this photograph. Mon père est mort il y a 3 ans et j'ai écrit un texte sur cette photographie. And the text, if I showed you the photograph, that was one experience, that's a two-dimensional experience. With the text, it becomes a three-dimensional experience. Si je vous montre la photographie, c'est une expérience en deux dimensions. Avec le texte, ça devient quelque chose à trois dimensions. So the photograph was a wonderful, it was an interesting photograph and it showed you exactly what my father looked like, but the text told you what I felt about my father, and that's two different experiences. Donc, la photographie était intéressante. Elle donnait la ressemblance exacte de mon père, mais le texte disait mes sentiments à son égard. Voir ce qu'on ne peut pas voir, c'est aussi voir l'invisible. C'est pas la photographie scientifique rend visible l'invisible. Michel Frizeau. Alors effectivement, on s'est beaucoup amusé à la photographie spirit, par exemple, dans laquelle on voit apparaître des fantômes, enfin, c'était des jeux simplement. C'est peut-être moins un jeu quand on sait que Marais faisait partie de sociétés... avec Bergson, par exemple, où on s'occupait de parapsychologie. Ce qui est intéressant dans le Saint-Suaire, c'est que c'était pour moi une espèce de super hostie. C'est-à-dire ce que l'on a pu montrer sur cette petite, non pas carré blanc, mais rond blanc. Pierre de Fenouille. On peut le démontrer noir sur blanc à travers une photographie. Mais je crois que c'est une conséquence logique un peu à l'arrivée de la photographie qui a fait que, de la même manière, on a quand même pu découvrir une chose beaucoup plus intéressante que le Saint-Suaire par la photographie, mais qui est l'atome. Je veux dire, la seule preuve de la fusion de l'atome est quand même une photographie. Autrement, c'était un exercice, pas algébrique, mais tout à fait scientifique, sur lequel il n'y a aucune preuve. Et la seule preuve de la fusion de l'atome, c'est quand même une photographie. Autrement, c'est totalement invisible à l'œil nu. Et ce que je trouve de très intéressant, justement, dans la photographie, c'est que finalement, et surtout même chez les artistes de maintenant, ils se penchent de plus en plus vers le côté invisible de la photographie. Et c'est, je crois, là le grand tournant par rapport à tout le début de l'histoire qui a été proche de la peinture, qui ensuite s'est mué proche de la réalité. Et on s'aperçoit maintenant que... elle est aussi ambiguë que la réalité elle-même, et on s'aperçoit de plus en plus que les photographes qui nous intéressent maintenant, ce sont ceux qui photographient des choses totalement, je dirais, invisibles. Bon, il faut s'entendre sur le mot invisible, mais je crois que le grand intérêt de la photographie, c'est ces traces invisibles que l'on peut accumuler. One feels one's life. What one doesn't look at one's life. On ressent sa propre vie, mais on peut difficilement la voir. Alors, je vois bien ce qui intéresse votre émission. Au fond, vous voudriez savoir s'il y a une homologie entre la photographie comme médium technique qui nous aide à voir, 100 et quelques années après, le visage de Bernadette. Et le médium mystique qui fait qu'une fois qu'on a le visage de Bernadette à travers elle, on peut entrevoir l'au-delà, la Vierge Marie, enfin, beaucoup de choses qui ne sont pas visibles. Alors, bien sûr, je crois que ce qui est le point commun, c'est qu'il y a communication, transmission de quelque chose, en dépit d'une distance, en dépit d'obstacles, mais enfin, je crois que le médium technique est d'une toute autre nature que le médium mystique qui passe par l'intérieur. I always say that I'm a professional photographer and an amateur mystic, but I would prefer to be a professional mystic and an amateur photographer. Oui, je dis souvent que je suis un photographe professionnel et un mystique amateur, et je préférerais de beaucoup être un mystique professionnel et un photographe amateur. Au début, je photographiais seulement des gens. Et ensuite, j'ai commencé à voir d'autres choses. Par exemple, les jambes qui courent et les reflets dans les vitrines. Maintenant, évidemment, j'ai l'impression que je photographierai beaucoup plus de choses. J'aimerais beaucoup faire les intérieurs et les meubles et les chaises où les gens étaient assis. Ce que une maison ou un meuble a vécu. Ça a vécu. Les Italiens disent lavato dal tempo, c'est lavé par le temps. Et alors ça donne l'expression. Une nouvelle maison, c'est impossible à photographier. Ça ne vit pas encore. Ça doit vivre. Une fois que je suis allé à Caracas et qu'on a démoli toutes les vieilles choses que je n'ai pas vues, et on s'est bâti des centaines de maisons. C'était un vidasse. Et cependant, c'était une bonne architecture. Mais je n'ai pas pu photographier ça. Et aussi, j'aime beaucoup photographier les gens qui ont vécu, pas trop jeunes. Emmett Gowin. When a student comes back from with his camera and develops his film and says, I had a feeling about this thing I saw, and I can tell you all about it. And then he looks at the picture and he says, somehow the picture doesn't exactly show what I felt. L'étudiant revient avec son appareil photo et développe son film et dit, j'avais un sentiment de cette chose que j'ai vue et je peux vous l'exprimer parfaitement. Et puis il regarde l'image et il dit, d'une certaine façon, l'image ne montre pas exactement ce que j'ai ressenti. Il fait comme le marin qui prend sa position avec un sextant. Il a fait la triangulation entre des points de référence, et c'est ce qui rend si extraordinaire la photographie. Accumuler une expérience ordinaire du monde et la comparer avec le monde de la carte, cette carte qu'est toute photographie. Et vous comparez, vous triangulez l'expérience que vous pensez avoir eue, l'expérience que vous révèle l'image, et tout ce qu'il y a sur l'image et que vous n'aviez même pas vu. La photographie nous aide dans notre perception. Elle enrichit notre capacité d'expérience. Il faut voir qu'elle est toujours au service de la science dès son invention. And art was the same home, a respect for feelings. Et que l'art, comme la science, est la demeure fidèle des sentiments. La science est peut-être venue après l'art. L'art est probablement la plus ancienne demeure du respect pour les sentiments. Et c'est ce que la photographie nous renvoie. Et nous disons, ce n'est pas exactement l'image que je pensais faire. Le sentiment n'est pas exactement le même. Mais en réalité, le sentiment est respecté. Le sentiment est tout ce qui demeure. Bon, alors là, on voit une photo où on voit trois bûcherons contre un mur. Raymond Depardon. Chacun une arme ou un... Enfin oui, je crois une arme, et ils sont habillés d'une manière très ancestrale. Alors j'ai écrit dessous, je retrouve les bûcherons de mon enfance ou de mon imagination. Ce sont les premiers Nouristani que je rencontre. Je suis surpris par les peaux qu'ils portent à la place des chaussures. C'est certain que j'avais écrit ceci dans mon carnet, j'avais dû faire cette photo parallèlement à mon carnet. Et le fait de faire ce carnet, de faire ce journal, j'ai rassemblé ces deux choses qui étaient mes impressions que j'avais écrites sur un carnet, qui ne sont pas de la littérature, parce que c'est vraiment une légende, mais c'est une légende qui est plus proche de ce qu'on aurait pu écrire un journal ou un journaliste à New York en disant, voilà, trois Nouristanis contre un mur avec des fusils. Ça ressemble plus à moi, c'est plus près de moi. Je retrouve les bûcherons de mon enfance ou de mon imagination, parce qu'ils ont des barbes, etc. Et je pense que l'action de faire un petit livre comme ça, de mettre une photo par page avec un petit texte dessous, a fait que j'ai fait la soudure, chose que je cherchais depuis très longtemps, entre ce que je pense et ce que je photographie. Oui, justement, ce qui m'émeut dans cette image, c'est que à la limite, c'est presque un Malevitch. Les Malevitch, droit figure avec la barbe. C'est vraiment un peu les images coloriées de l'enfance. Enfin, ouais. Et est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu la raison pour laquelle tu es photographe dans un livre comme ça? Je suis content qu'à 37 ans, je fasse encore des choses comme un enfant, avec des images comme ça, des petits textes. Il y a un côté très naïf et très enfantin dans ça. Et à la fois, on sent quelqu'un qui a un peu souffert et qui a vécu aussi ailleurs. Et finalement, qui va se réfugier dans ce livre. Enfin, je sais pas, c'est trop tôt pour moi encore pour en parler. C'est trop tôt. C'est vrai qu'il faut s'expliquer sur la différence entre une image et une photographie, mais je dirais qu'une photographie sans recherche est une image, alors qu'une photographie voulue et recherchée par un auteur devient une photographie, mais qu'à la base les deux sont des images quand même. Il y en a une qui prend un alphabet, pour employer un mot propre à la littérature, qui prend un alphabet et qui sait s'en servir, mais sur la même base que celui qui ne sait pas s'en servir. En 1930-40, j'étais pas né, et les gens dans la campagne, comme ça, achetaient les magazines et les conservaient les images, comme ça. Et les premières images, je les ai vues chez mes grands-parents. C'est peut-être ça qui a fait que j'étais fasciné par l'image. Mais j'aime bien le mot image. Je signe toujours image en fin de mes films. Image, j'aime bien. Je trouve que c'est clair, image. C'est plus clair photographie, d'ailleurs. Un cheval qui galope, pour prendre un sujet neutre, disons, est une chose admirable. François Portelette. C'est ce galop, c'est ce mouvement, c'est cette impulsion qui est séduisante. Bon. Et jubilatoire, donc. Il y a toujours un problème de mouvement. Et la lumière est importante, d'ailleurs, parce que en réalité, on ne pourrait pas imaginer une chose en mouvement sans la lumière. Dans le noir, ça n'existe pas, le mouvement. Donc c'est un jeu de lumière dans l'espace. Pourquoi dis-tu que tu veux faire un film et pas des photos sur cette ferme? Ça, c'est terrible. Peut-être que je vois ce film en 35, noir et blanc, que j'y vois les mouvements, que j'y vois une succession de plans, de détails, que la photo, que j'arrive pas à maîtriser en photo, qui sont peut-être des détails des détails de murs, de la ferme, des objets, que... C'est vrai, je devrais le faire en photo, mais je suis tiraillé entre la photo et le cinéma, et quelquefois pour des sujets comme ça, je préfère faire un film. Je sais pas bien. Je devrais dire de la photo. Je devrais en tous les cas dire, je devrais faire un reportage photo sur la ferme de mon père. Mais comme il n'est plus là, donc ça c'est une évocation, et j'ai pensé que la caméra était plus près d'une évocation. I consider that all photographs exist as a kind of map, which Je pense que toutes les photographies existent comme partie d'une carte qui est une section dans le temps. Peu importe la largeur de cette section, c'est une section incroyablement étroite dans le monde de l'expérience temporelle. Aussi, je pense que toutes les photographies, même celles qui prennent des minutes ou des heures, représentent un monde qui s'en va très vite quand l'exposition est finie. Et comme nous le savons, la carte que la photographie fait, peut-être celle de la chaleur, aussi bien que de la lumière, d'un spectre que nous ne voyons pas, ou encore, si elle prend la lumière sur plusieurs secondes ou minutes, elle représente la carte d'un monde que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas les étapes progressives du mouvement. Nous avons seulement conscience du mouvement en train de se produire et nous ne fixons pas dans notre esprit une partie du mouvement et donc nous n'emmagasinons pas le mouvement dans son intégralité. Et nous savons que la photographie peut faire les deux choses. Elle peut isoler un aspect du mouvement et elle peut emmagasiner la condensation du mouvement, la trace du mouvement du début à la fin. On possède une photo de Kafka enfant qui évoque avec une rare puissance émotive ce que fut sa brève et pauvre enfance. Le cliché était pris dans un de ces studios du 19e siècle, d'aspect si ambigu, avec leurs draperies et leurs plantes vertes, leurs tapisseries et leurs chevalets, à mi-chemin entre la chambre de torture et la salle du trône. Le garçon doit avoir dans les 16 ans. Il porte un vêtement enfantin, trop étroit, presque humiliant, surchargé de passementeries. On l'a installé au milieu d'une sorte de jardin d'hiver sur un fond de larges feuilles de palmiers. Et comme pour ajouter à la suffocante moiteur de ses capitonnages tropicaux, il tient de la main gauche un immense chapeau à large bord comme en portent les Espagnols. De ses yeux infiniment tristes, il domine le cadre qu'on lui a imposé et où s'insinue, comme pour les pieds, la coquille d'une grande horloge. Cette profonde désolation s'est peut-être un jour consumée dans le brûlant désir de devenir un Indien. Walter Benjamin. Suis-je un Indien ? Aussitôt prêt, emporté par le galop de son cheval, le dos penché, tressautant par petits coups sur le sol trépidant, jusqu'à ce que j'abandonne mes éperons, car il n'y a pas d'éperons, et que je laisse aller mes rênes, car il n'y a pas de rênes, et que je vois à peine devant moi un vague paysage de landes, comme fauché à ras, où s'évanouissent déjà le cou et la tête du cheval. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique par Jean-François Chevrier, Bertrand Ferriot, Brigitte Legard. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Nicole Pascot, Marie-France Thivault, Yvette Tuchban. Lecture par Valère Novarina, Daniel Mesguich, Juliette Berthaud, Hervé Guibert, Rosaline Krauss. Radio Photo 2. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 mars 1980 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. To know you need me, how much you need to show that you don't care. I'm not supposed to know how close you follow or understand the meaning of the stare. How much you need to hold me close to kill me. How much you need to take my breath away. I know I'm not supposed to really love you, but still and all I love you anyway. Just a woman or a man. How much it takes to really climb the mountain. Bending low sometimes to follow through. I'm not supposed to know you really love me. I'm not supposed to know it.